works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The man have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à une toute nouvelle année de l'Inconduite de partie. L'Inconduite de partie, l'émission sur C'est fou qui vous parle du sport amateur d'ici, dans la région trifluvienne, Mauricie, Bois-Franc, ainsi que un peu partout à travers la planète. Cette année, beaucoup de nouveautés. Premièrement, l'émission va être d'une durée de 2 heures au lieu d'une heure. Donc, encore plus de contenu, encore plus de grandes gueules, de monde qui chiale sur des choses très valables, comme des fois pas tant que ça. Aussi, des nouveaux collaborateurs qui l'ont cru. On a des gens nouveaux. À mes côtés, à ma gauche, dans le coin bleu, monsieur JP Grenier, coach JP. Yes, salut tout le monde. Ça va bien, mon JP? Ça va bien, vous autres? Ben oui. All right. Hey, JP, je mets un peu avec toi. T'as été un petit peu collaborateur l'an dernier aussi. Je l'ai été un peu, mais à distance. À distance, hein? Ouais. T'es de où, toi, JP? Là, c'est un gars de Saint-Hyacinthe. Ouais. Une belle région mascoutaine en Montérégie, mais je fais mes études plus particulièrement à l'Université de Sherbrooke. Le fabuleux programme d'histoire. Un représentant ici, la Trois-Rivières. Je fais la 55. Tu tapes la 55, là. Je tape la 55, bien sûr. Hey, ben, c'est le fun, la 55. C'est le fun. Hey, la... de la végétation, des animaux, c'est le fun. Tu sais, quand tu passes pas, je frappe un chevreuil. Ouais. Et dans le coin droit ou le coin rouge, je sais plus quelle couleur j'avais dit, Sébastien Proux, un nouveau, lui, vraiment nouveau de son côté. Sébastien, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, écoute, répète-moi tout un truc. Sébastien. Oui, bonjour. Bon, ça va mieux, là. On a ton micro n'était pas allumé. Donc, Sébastien, toi, décris-toi, qui es-tu, Sébastien, pour les gens trifluviens qui te connaissent pas? Je suis un étudiant en communication ici, à troisième année. Je viens de Joliette. Je suis un fervent connaisseur de sport. Toi, c'est le hockey, ta force, là, plus, hein. Mais là, cette année, tu vas moins nous parler de hockey. Tu vas t'en aller vers des sphères un petit peu différentes de ce que tu connais. Je vais parler un peu aussi des combats ultimes, soit de régionaux ou un petit peu partout, comme la UFC. Sinon, je vais essayer d'élaborer sur des sujets avec vous, comme le football collégial, la NCAA. Tu as quand même une connaissance très grande, donc... Générale. Et aussi, à nos côtés, il n'est pas là ce matin, malheureusement, Pierre-Luc Giroux fait son retour. Pierre-Luc est notre gars de hockey junior, vraiment, qui... connaît plus ça que moi, je connais... Le légendaire Pierre-Luc Giroux. Donc, il est pas là ce matin. Par contre, il va être là les semaines prochaines. Sébastien va prendre sa place ce matin au niveau du hockey junior en troisième partie d'émission, là, après 10 heures. Donc, cette semaine à l'Inconduite, on vous parle un peu de ce qui s'est passé là cet été au niveau des Patriotes. Surtout hockey, un petit peu soccer aussi. Donc, les changements qu'il y a eu aussi, les changements qu'il y a eu au niveau du programme Patriotes. Il y a eu des changements... je dirais majeur au niveau de comment le programme est comment se déroule le programme en tout ce qui est le marketing, etc. Donc ça, on va en parler. Ensuite, JP, tu vas nous parler de football. Ça a été commencé, football. En fin de semaine, c'est ça. Je vais vous parler tout d'abord de la Ligue canadienne universitaire. 3 matchs étaient à l'affiche. Puis je vais finir aussi avec le football universitaire américain pour conclure pour le football cette semaine. Parfait. Et... Sébastien, toi, c'est la XMF que tu nous parles, combat ultime. Du gala XMF qui a eu lieu en fin de semaine. Là, pour faire un résumé de ce qui s'est passé et mes commentaires sur l'événement en particulier. Puis le hockey junior que tu nous touches aussi. Et en fin d'émission, là, dans la quatrième partie, vers 9h35 environ, On y va d'un petit sujet mollo ce matin, je pense. Un sujet qui me touche. Un sujet qui nous touche un peu. On va parler cinéma, plus particulièrement cinéma de sport. Ça va être super le fun. On va se remémorer des souvenirs. Donc, c'est à pas manquer. Allons-y avec les Patriotes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cet été avec les Patriotes? Bon, au niveau, comme je disais, au niveau marketing, ça a changé quand même pas mal. Les Patriotes, cette année, vont avoir droit à leur ligne de vêtements. Je pense que c'était un gros, gros manque au niveau des vêtements, au niveau de tout ce qui est... prêtez-moi l'expression, l'exposure, l'exposition, dans le fond. À quel point on voyait le logo des Patriotes sur le campus? On pouvait acheter quoi à des Patriotes l'an passé à part une tuque? C'est pas. Tout, là. Fou. Je pense que chez Plan de Sport, au Cap, il y avait des vieux chandails, mais tu sais, c'est... Des manteaux, t'sais? Mais c'était des manteaux pas vraiment représentés. JP, toi qui es de Sherbrooke, là, dis-moi donc un peu qu'est-ce que tu peux trouver dans le magasin du verre et or à Sherbrooke. Dans le fond, ce qu'on peut trouver, c'est n'importe quoi ce qu'on a besoin. Vêtements, objets pour l'école... même, on peut trouver des thermos, là, donc... Tout aux couleurs du verre et or, c'est ça, aux couleurs de... Non, de l'université. Non, mais moi, je veux savoir pour le verre et or. Pour le verre et or, ouais. Il commence de plus en plus à avoir des chandails. Je trouvais que c'était manquant. J'ai été voir au centre sportif l'administration. J'ai fait un peu de pression. Je trouvais qu'on manquait, comme tu dis, là, d'affaires de sport identifiées au verre et or, les couleurs. Ils ont accepté ma demande. Puis de plus en plus, ils ont sorti une ligne. Nous autres, ici, T-shirt... pantalons de jogging, des tracksuits, ouais, c'est ça, puis ouais. Des casquettes, comme quoi que les étudiants peuvent être fiers de leur équipe et s'identifier. Ouais, tu disais qu'il y a un drapeau qui se vend au plus de 60. Un drapeau, c'est ça, là. 60 piastres, le drapeau. 60 $ mais, me connaissant, je vais sûrement l'acheter de toute façon, là. Ouais, mais t'es un maniaque. Donc, c'est ça, je pense que ça va être bon. Moi, personnellement, je vais être le premier ce matin, ou en tout cas, je vais être un des premiers à aller m'acheter un chandail des Patriotes. Tout simplement pour encourager, puis qu'on en voit un petit peu plus. Autre chose, pour les étudiants, tu sais qu'ils vont aller voir les parties de hockey, de soccer, la natation, le golf, tout ça, c'est gratuit cette année. Gratuit. C'est gratuit, c'était 3 $ mettons, pour le hockey l'an dernier, c'est gratuit cette année. C'est un partenariat avec la GEQTR, où est-ce qu'il y a des frais, justement, c'est ça, c'est des frais de 3 $ par étudiant qui vont directement au programme sportif de l'UQTR, très bonne chose. Vous avez plus de raison de plus y aller, là. Dites pas que. Il y a beaucoup d'efforts pour que. Ouais, il y a beaucoup d'assistance augmente. C'est ça. Beaucoup d'efforts de la part des deux parties aussi pour faire monter ça. Hockey. Bon. Il y a des joueurs qui ont quitté. On va en nommer quelques-uns. Mathieu Bauduc, Tommy Lafontaine, André Joannis. Je les ai plus devant moi, là, mais. Michael Dupont. Oui, Michael Dupont est parti en Europe, lui, qui était un jeune gardien. Donc, parti en Europe. Donc, dans ceux qui ont quitté, c'est ça. Ça a quitté. Ça prend des joueurs pour les remplacer. Parmi les nouveaux venus, qui qu'on va retrouver cette année? On va retrouver Maxime Lévesque, qui a joué à Val-d'Or, à l'île du Prince-Édouard dans le junior majeur. Puis Alexandre Jonca, qui a joué à Rimouski. Donc, qui a fait la Coupe Memorial l'an passé, j'en déduis. C'est ce qui conclut pour ceux qui ont évolué le junior majeur, l'an dernier. Pour le junior 3, bon, on dit Olivier Donovan de Valleyfield, qui a joué à Valleyfield. Champion marqueur du circuit en 2008-2009, là, ça devrait être une bonne acquisition. Vincent Brouilleux, qui est à Saint-Jérôme. Alexandre Boivin, qui était à Joliette avec l'Action, ainsi que David Côté-Martin, qui est à Valleyfield. Aussi, grosse acquisition au niveau d'Alex Lamontagne, gros défenseur, 6 pieds 4, 222 livres, qui a l'habitude de jouer très rude. Jeter les gants, par contre, il n'est pas supposé de jeter les gants. Il y a quand même des atouts qui sont en jeu défensif. Il y a des atouts aussi au niveau, toi, tu connais un petit peu plus, tu l'as vu jouer, donc... ça, je pense, ça va être une grosse acquisition. Ça va venir remplacer un peu le poids qu'avait André Joannis devant le but. André qui est 6 pieds 3 environ, là. Donc ça va être pas mal plus gros. Au niveau du recrutement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crois pas qu'il y a eu des très gros joueurs qui se sont amenés ici. On peut toujours avoir des surprises, si jamais, hein, quelqu'un qui monte junior 3 peut très bien arriver puis changer la donne. Le hockey qui jouait dans le junior 3 va mieux se prêter au hockey de la SIC que justement là, quelqu'un d'autre. On va voir à ça. À part de ça, peut-être dernière petite nouvelle. Pour les Patriotes, c'était le camp de sélection des équipes. Les équipes sont allées en Europe. L'équipe féminine, masculine, qui ont financé leur voyage vraiment de quoi pour faire du team bonding qu'on appelle un peu là, du vraiment comme une meilleure esprit d'équipe, puis bon, couper du monde aussi, mais ça c'est plate, mais c'est le même là. Donc ça va être intéressant à voir ça, ce que ça va donner cette année le soccer. Je pense que ça allait bien les filles l'an passé, ça s'améliorait pas mal. La saison de soccer intérieur avait bien été, les hommes corrects aussi, donc on va voir ça. Et pour terminer, là, j'ai l'horaire, vous pouvez vous le procurer, il y en a un peu partout à travers le campus, là. L'horaire des sports cette année au complet. Hockey, ça commence vendredi le 18 septembre, c'était à Acadia, c'est un match hors concours. Dans les autres matchs hors concours, 30 septembre contre Concordia, 7 octobre contre McGill, c'est encore des matchs hors concours. La saison commence le 9 contre Nipissing, la game est à Trois-Rivières à 19h15. Le lendemain contre Ryerson ici même, Concordia le 14. Après ça, bon, allez vous chercher ça, c'est en octobre, donc allez vous chercher votre horaire pour voir ça. Toutes les parties se déroulent cette année à l'aréna Claude Mongrain, donc présentez-vous pas au Colisée, c'est en arrière du Colisée, faites le tour dans le gros parc, le parc de l'Expo, je sais pas, mais c'est le même qui appelle ça, le parc de l'Expo ici, oui. Donc dans le gros parc. C'est un peu le party là-dedans, là. L'aréna est plus petite. Donc, plus d'ambiance, plus pacté un peu. Soccer, ça commence dimanche, le 13, dimanche qui s'en vient contre l'UQAM, pour les hommes, pour les femmes. Même pas les femmes commencent le 11 contre Bishop. Bishop qui n'a pas d'équipe masculine, ce qui explique pourquoi les hommes ne jouent pas contre. Donc, les premiers matchs au niveau soccer. Et, j'ai-tu d'autres choses? Natation commence le 9 octobre. Pour la Coupe universitaire 1 à l'Université de Sherbrooke. Et le golf, c'est samedi et dimanche au club de golf Milby à 9h. Donc, c'est ce qui conclut pour les Patriotes cette semaine. On va aller en musique un petit peu avec une chanson d'Extérieur. Ça s'appelle « L'idiot du village ». Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou 89.1. Il pleut depuis une heure, les clous qui arrachent la face. Mais je danse, mais je danse, mais je danse sur mon balcon. Une tempête de malheur qui va laisser sa trace. Mais je danse, mais je danse, parce que ça prouve que je suis pas un menteur. Je cache les belles valeurs de village fait de glace. Mais je danse, mais je danse, mais je danse sur mon balcon. C'est pas juste des histoires de peur que je comptais en surface. Mais je danse, Extérieur, l'idiot du village, ça réveille ça le matin, je peux vous dire. C'est excellent du extérieur, personnellement. Des très, très, très bons beats. Des paroles moyennes, par contre. C'est gratuit, hein, le matin, je vous l'avais dit qu'il allait avoir de la grand gueule. Donc, petite nouvelle, revue de presse de ce matin. En ce 8 septembre. Merci. Pourquoi mars? Mardi, l'horloge. C'est beau, là. Il y a un mars sur l'horloge. J'ai vu mars, hein. Pas remarqué que l'école commence. Donc, toute revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, dans la région trifluvienne, entre autres. Chez les Diablos, cégep de Trois-Rivières. Football. Victoire de 49-7 pour les Diablos sur les cavaliers du Collège Champlain à Saint-Lambert. Démolition. Diablos, ça, on sait, ça avait mal été depuis quelques années. On disait un peu un programme en reconstruction. Ça semble être très bien parti. Donc, on va voir ça, la saison. Allez voir ça, les matchs des Diablos. C'est au stade sur des récollets ou dans le coin, vous pouvez pas le manquer. Très beau, très gros stade. Donc, les Diablos, 2 victoires, 0 défaites cette année, sont à égalité au premier rang du classement avec les Volontaires de Sherbrooke, les Islanders de John Abbott, si je me trompe pas, Islanders. Oui. Puis les Faucons. Faucons de... J'ai oublié le nom, je me souviens plus. C'est pas plus grave que ça. Les Faucons. Les Faucons. Je le trouverai tantôt, puis même, en tout cas, je verrai ce que je peux faire. Baseball, c'est les séries de baseball qui sont commencées ici même à Trois-Rivières, au stade Fernand Bédard. Les Aigles, plan de sport dans la Ligue de baseball élite du Québec, sont en action, étaient en action hier soir en série face à Charlebourg. Victoire hier 3-2, très sérieux, par la peau des dents, comme on dit. Donc, c'est maintenant 3-2 pour les Aigles. Prochaine partie à Trois-Rivières, le 9 septembre. 9 septembre, OK. 9 septembre, c'est demain, ça? Mm. C'est ça. Demain soir, mercredi soir. C'était 2-0 pour Charlebourg dans cette série-là. Là. C'est remonté. Ils ont remonté vraiment la pente, comme on dit. On va voir s'ils peuvent effacer le déficit complètement et terminer ça ce mercredi. Chez le Verdun, dans la Ligue senior de baseball du Québec. C'était le premier match de la demi-finale hier soir. Ici même, encore au stade Fernand Bédard, donc un stade Fernand Bédard qui est rénové. Wow, hey, tout est propre. Là, on n'a plus l'impression de rentrer dans un stade de 1938 là, en dedans. Seulement le panneau du fond qui est ouais. Quelques lignes. Hier, là, on a été, moi et Sébastien, on était voir la partie. C'est difficile de savoir comment le panneau marche. Il manque beaucoup de lumière et fouille-moi pourquoi. Il y a des lumières qui sont allumées un peu partout sans qu'on sache pourquoi. Mais ils ont investi ailleurs. Il n'y a pas de l'air. Toutes les bancs sont neufs. Ça sent encore la peinture, tu l'as dit toi-même en rentrant. Donc, c'est le Big Bill de Quatico qui est en ville. Et c'est une victoire de 2-1 hier, justement, du Verdure. Un double d'Emmanuel Turcotte en quatrième manche qui a donné le point de la victoire. La victoire qui va justement à Steve Dubé. Personnellement, c'est un match en grande histoire. Hein? 2-1. Un hit là, un coup sûr là, c'est pas mal fini. Bon jeu défensif. Non. Non, ça a vraiment été duel de lanceurs, à la limite. Deux doubles jeux. Ouais, c'est ça. Non, match transitoire dans les 7 manches de la partie. Ils prennent les devants dans la série 1-0 de demi-finale. D'accord. Revue de presse, t'avais-tu quelque chose de spécial, toi? On peut parler un peu des Titans de Princeville. Vas-y. Ils ont commencé leur saison la semaine passée. Ils ont perdu leur premier match contre Sherbrooke le 4 septembre pour ensuite gagner contre Granby 5-3 dimanche. Les deux meilleurs marqueurs de l'équipe sont Mathieu Lavoie et l'attaquant Guillaume Cyr. Les deux ont 3 points. La prochaine partie est à Thetford Mines vendredi et reviennent ici à Princeville pour affronter Sainte-Agathe samedi. Il y a aussi les Estacades qui... commence leur saison. C'est commencé les Estacades? Non, OK, vas-y, samedi. Samedi, je te vole les mots de la bouche. Contre les Intrépides de Gatineau au centre sportif Alphonse Desjardins. Ensuite, dimanche, ils affrontent les Albatros du Collège Notre-Dame dans leur deuxième partie du week-end. Parfait. Par là-dessus, je reviens au baseball, je viens d'y penser. Les Canam, Québec, les Capitales. On en parle beaucoup de la Ligue Canam ici à Trois-Rivières. Il y a un match l'autre fois. Beaucoup d'espoir. On parle qu'il y avait 3000 personnes au match. Bon. Est-ce qu'il y aurait vraiment 3000 personnes à tous les jours? J'en doute. Oui, plus ça comme un happening. C'est un peu plus comme un happening. Mais bon, il y a eu Miles Wolf, qui est gros boss, qui est gros patron à Québec. Justement, il est venu tâter le pouls. 3000 personnes. Ils disent que pour faire vivre un club de la Canam, ça prend à peu près 1700 personnes. Un nouveau stade en plus rénové. Ouais, c'est ça, ici, on a le stade rénové. Ça a de l'allure, là, mais ça prend à peu près 1700 personnes par match. Est-ce que c'est possible? Il y avait quoi, 200 personnes hier au Verdure, en poussant fort, là? Au maximum. En comptant les joueurs, il y avait peut-être 200 personnes. Donc. Il y avait assez de l'écho dans la place. Ouais, il y avait de l'écho. Ah oui, écoute, tu sais, là, Sébastien, écoute, je regarde Sébastien au début de la partie, j'ai dit, j'ai peur de parler fort. je chuchotais, j'avais peur, je me disais, tout le monde entend. C'est écho, pareil, là, un stade de baseball, ça résonne, dans le fond. T'avais un cellulaire qui sonnait. J'avais un cellulaire qui sonnait, tout le monde entendait, les niaiseries que vous voyez, t'entendais le petit vieux qui chialait avec. Tu sais, quand il y avait une engueulade entre le coach pis l'arbitre, tu comprenais ce qu'il disait. C'était vide, un peu. Mais, comme tu dis, c'est tellement écho, tandis que, mettons, au parc de baseball à Saint-Hyacinthe, le parc Saint-Sacrement. Parc désuet, un peu. Désuet, tu dis, hey, come on, là, c'est pathétique à Saint-Hyacinthe, là. Ben, c'est pathétique, pathétique, pathétique. Je veux dire, le stade de baseball à Saint-Hyacinthe, c'est même pas un stade, c'est un 3 estrades de bois, puis c'est pas mal ça. Puis l'état du terrain, je veux dire, je suis pas allé personnellement à Trois-Rivières, mais j'imagine que en faisant les rénovations, ils ont pu mettre des drains, ils ont pu mettre du gazon dans l'avant-champ, chose qu'on n'a pas partout au Québec peut-être. Ça serait amélioré, mais je pense qu'on pourrait revenir à une émission là-dessus. Ouais, ben ça, c'est sûr que les infrastructures au Québec, les infrastructures au Québec, c'est tout le temps, je pense, c'est pathétique. Malgré que ça commence enfin à changer, il est trop tard pour le baseball, mais en tout cas. Mais la Ligue Can-Am, je pense qu'à Trois-Rivières, si les gens s'impliquent, je pense qu'avec l'amour du baseball pour les gens du Québec, le problème est au niveau des aigles. Ils veulent pas que le club, mettons, de la Can-Am vienne déranger, vienne voler des heures aux aigles. Bonne chance. Bonne chance. La Can-Am, c'est un club, ça reste un club, entre guillemets, professionnel, là, on s'entend. Ben, le calibre des aigles est aussi quand même très fort. Oui, il est très fort. C'est pas ça que je remets en question. Mais tu peux pas rentrer un club de même, mais que les aigles restent ton club principal. Tu peux pas. J'avoue. Et Québec, quand les Nordiques sont arrivés, là, en 72, la AHM, l'Ligue internationale, Ligue mondiale, l'Association mondiale, je l'ai. Quand la MH est arrivée en 72, les remparts, ils ont disparu, là. Ça a pas été long, là, un moment donné, là, que ça s'est en allé. Comme la part des places, là, où les villes qui avaient des clubs de la Ligue américaine, sauf à Chicago, fouille-moi pourquoi, mais à Chicago, les Wolves marchaient plus fort que les Blackhawks, un moment donné, là. Bon, ça, je pense. Gagnait plus souvent, probablement. Ouais, non, mais t'avais une affaire de propriétaire aussi là-dedans, là. On sait, là, M. Wirtz, qui est décédé depuis ce temps-là, les Blackhawks, ça va super bien, sauf pour leur directeur général. L'ancien, là, des moves de pain, toi. Donc, c'est ça, en tout cas, on verra. Donc, ce que je m'en ai dit, c'est à Canane. Pierre-Luc Laforêt, des capitaines de mes joueurs de la saison, de l'année, dans la Ligue. Gros, écoute, Laforêt. Pas surprenant. C'est un gros joueur. On en parlait hier. On disait Laforêt est trop fort pour la Can-Am, mais il n'y a plus une équipe des majeurs qui veut de lui, là. Un excellent joueur de 2A, voire 3A. Ah oui. Sauf qu'il n'y a peut-être pas la petite coche que ça prend pour jouer dans la grosse ligue, c'est ça. Mais il arrive dans Can-Am, il brûle, là, le gars. Il a la puissance pour. Il n'y a plus. Il resterait le Japon. Oui. S'il veut une carrière quand même acceptable, c'est payant. C'est le Japon. Ça peut être payant. C'est le Japon, parce qu'à part de ça, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Personnellement, ouais, le Japon est quand même payant, pis t'as un calibre. Bon, ça, là, trois années, là, le Japon, c'est, gars, ils font une série mondiale, là, pis des fois, le Japon, ils viennent battre les États-Unis, là, ils regagnent, c'est carrément les ligues majeures contre le Japon, pis il y a du calibre là-bas. Donc, ça va être intéressant à suivre. Hey, on passe à une petite pause, première pause de l'émission, on vous revient dans 2 minutes. Ça va pas bien long, restez avec nous. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon sens, avec le printemps à 0%. Avis aux finissants. Notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan Sentra est éligible au rabais diplômé. Pour le prix, le service, la qualité, chez nous en Mauricie, c'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Samedi, 21h. Oui, qu'est-ce qu'il y a? myspace.com/le vestibule. Mais tu es fou! Le CAPS de l'UQTR, c'est des activités physiques pour tous les membres de la famille. Un milieu dynamique, une occasion de se retrouver entre amis. Le CAPS de l'UQTR, c'est des installations sportives exceptionnelles sous un même toit. Le CAPS de l'UQTR, c'est des programmes d'entraînement qui répondent à vos objectifs. Du personnel passionné, professionnel et disponible, prêt à répondre à vos besoins. Laissez-vous entraîner au CAPS de l'UQTR. Pour une information à jour, visitez le caps.uqtr.ca. caps.uqtr.ca. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Talent, turn your back. C'est excellent, ça rentre en dedans, comme je disais tantôt. Hey, si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Le site internet aussi qui est encore disponible cette année, www.inconduitedepartie.com. Vous pouvez réécouter nos émissions. On avait des chroniques l'an passé, je sais pas si on va en avoir encore cette année. Là, Moi, je pense plus avoir le temps d'écrire vraiment. J'ai une motivation tellement supérieure. On verra, je vais peut-être m'engager. Ils disent que si tu mets des singes devant des dactylos, ils vont finir par t'écrire un livre un moment donné. Là. Je vais emmener une bande de singes, là, donc on verra ça. Hey, on va saluer Eric Sylvestre de N-Media, Eric qui nous écoute religieusement à chaque semaine. Donc, salutations à toi Eric, content de t'avoir parmi nous. JP, Yes. Football. Oui, monsieur. Ta-na-na-ta-na-na. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Parle-nous de ça, là. Toi, là, JP, pour ceux qui connaissent pas ça, qui font pas la différence, là, tu vas couvrir quoi comme football cette année? Moi, je peux couvrir le football universitaire autant qu'américain qu'canadien. Les deux m'intéressent pas mal. C'est sûr que le football canadien, c'est plus facile d'aller voir des matchs, mais dans le fond, moi, tout ce qui est football, j'en mange, donc ça va me faire plaisir d'en parler et faire découvrir à ceux qui connaissent moins ça. En fin de semaine, c'était la fin de semaine de lancement dans les deux ligues, donc des matchs déjà en partant super intéressants à surveiller. Donc, je vais commencer avec la ligue, la CIC. C'est CIS? SIC. Ouais, Sport interuniversitaire, quand je le sais, ça se dit tellement mieux, c'est CIS. Hein? C'est comme LNH puis NHL. Ta langue ne roule pas pareil dans ta bouche. En ouais. Tout cas, la Ligue canadienne. Dis la LFUC. La LFUC. La Ligue de football universitaire du Québec. LFUC, et non pas la prononcer en anglaise. Donc, on a trois matchs super intéressants pour commencer la fin de semaine. Tout d'abord, les Carabins de l'Université de Montréal, mon équipe préférée. Contre les Redmen de McGill. Les Carabins, wow. Ouais, c'est ça. Hey, les Carabins. T'es journaliste. J'explique. Okay. Tu sais, c'est la première émission à JP. JP laisse le fan sortir en lui. Mais là c'est les Carabins de Montréal. Tu te contrôles. Marc Santerre. Donc, une victoire écrasante des Carabins au compte de 66 à 14. Je comprends que c'est contre McGill, là. 48 mais... à 0 après la première demi. Aïe, aïe. Je comprends que c'est contre McGill, là, mais quand même, là. Quelques points à retenir. Où s'en va McGill? Si je remonte à pas plus loin qu'il y a à peu près 6-7 ans, c'était un des gros programmes de football au Québec. Mmh. Année après année, ils mettaient des clubs sur le terrain. C'est pas depuis l'histoire avec... Ouais, je pense que c'est une question de balai, vraiment. Je pense qu'il y a un nettoyage à faire dans ce programme-là, puis ça va prendre un bon coup de balai. Je sais que McGill, c'est pas non plus facile pour les gars de rentrer là, ça coûte cher. Non, je pense que... Université anglophone. Puis là, on est chien, là, parce que c'est... Mais Sonny Wolf fait quand même un bon travail, là. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est l'émergence des programmes francophones. Oui, ben oui. C'est immense, là. Tu sais, l'Université Montréal, il y a 8 ans, ça n'existait pas. Toutes les meilleures se ramassaient à Concordia, Laval, McGill. Mais Concordia a encore un très bon programme. Concordia met des équipes compétitives toutes les années, sauf en fin de semaine. Mais Concordia ont vraiment, d'habitude, gars, ça fait combien d'années qu'ils finissent deuxième ou troisième? Ça tourne, là. Ça tourne tout le temps autour de ça. On en parlera plus tantôt, en profondeur. C'est peut-être juste une question de recrutement. L'offensive des Carabins. Encore une fois, cette année, je pense que ça va être une de leurs forces principales. Bon carrière, receveur de passe, Frank Bruno. Je sais pas si Nicolas, t'as déjà vu ce gars-là à l'œuvre. Non. Une bombe. Ah ouais? Honnêtement, il a tout pour lui. La vitesse, les mains, il lit bien le jeu. Je pense que c'est une bonne tête sur les épaules. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec ce gars-là. Puis il s'enterre son équipe. Pour les années à venir, je pense que ça va être leur jeu. L'an passé, il sort d'une blessure. Okay. Il a manqué quasiment la saison l'an passé à cause d'une blessure à la cuisse, je pense. Sauf que, sérieux, les Carabins devront compter sur lui pour l'avenir. Ainsi que l'attaque au sol, 264 verges. Je pense que si on partageait la tâche, 2-3 gars, sauf quand même, là, quasiment 300 verges dans un match. Là, c'est carrément, il y a une bonne ligne offensive, ça paraît. Pour McGill, point positif, Jonathan Collin, leur quart arrière. Je sais qu'au début d'année, c'était un duel entre deux quart arrière pour le poste de numéro 1. Finalement, c'est Collin qui a gagné. De ce que je vois, c'est pas mal le seul point positif lors du match. Les unités spéciales, il paraît que c'était pathétique. Ça sera à travailler à ce niveau-là. Mais là, c'est difficile pour McGill parce que non seulement tu fais des années que tu as des très mauvais résultats, mais t'as perdu probablement les deux seuls bons joueurs que t'avais en... C'était-tu Charles-Antoine Sinotte? C'était ça son nom? Receveur de passe, j'ai un blanc sur son nom. Puis Matt Connell. Ça a terminé l'an passé, ces deux-là. Record de verge, puis c'est ça. Fait que déjà que ça allait pas bien, tu perds tes deux meilleures armes, là. Puis on s'entend que le carrière, c'est la position la plus importante de la game, donc on veut pas... Au Canadien? Ouais. Ouais, Chuck Schwary. Chuck Sherbrooke. Chuck Grou. Ouais, faut pas Grou. Grou est le seul qui est capable de mettre une passe régulièrement dans les mains. Là. Pas trois pieds par-dessus, trois pieds dans les jambes. Donc, c'était ça pour le match des Carabins ainsi que des Redmen. Ensuite, Sherbrooke, Gators de Bishop. Ouais. Gros match en fin de semaine. Attendu, la Coupe du Maire. Gros match. Explique pourquoi on appelle ça la Coupe du Maire, pour ceux qui ne savent pas. Là, ceux qui sont pas familiers avec la région sherbrookoise. Ben, la Coupe du Maire, dans le fond, c'est un rendez-vous annuel que se donnent les deux équipes. Vu qu'il y a 6 clubs, veut pas, les clubs jouent souvent contre eux, même des fois, 2 fois par année. La Coupe du Maire, c'est en l'honneur du maire de Sherbrooke, j'imagine. Là, ben, parce que t'as 2 universités dans la même ville. C'est ça. Puis ils appellent ça la Coupe du Maire parce que c'est une contre l'autre. Qui était propriétaire de la Coupe du Maire jusqu'à samedi? Jusqu'à vendredi, excuse-moi. Jusqu'à vendredi, c'était Bishop. Qui ont gagné l'an passé. Ils ont joué 2 fois. Ils sont allés à Lennoxville, au Coulterfield. Bishop a gagné. Ils sont revenus à Sherbrooke. Sherbrooke l'ont emporté. Fait que je pense que l'avantage là, du domicile est très important dans cette ligue-là. On le voit bien. Là, la foule sont bruyantes, surtout à Sherbrooke. C'est des bons fêtards. Donc, le match est terminé de 25 à 20 en faveur du Vert et Or. Gros match. C'est surtout déterminé en raison des unités spéciales. William Dion, le batteur, gros match, 3-3. John Maverty pour Bishop, 3-5, dont un placement raté de 20 verges. Oh non! Qui aurait donné l'avance, puis peut-être le match aux Gators. Comment? Mon grand-père ferait un placement de 20 verges. Non, je sais. Mais c'est ça. Les points à retenir, gros match encore pour Pascal Fils. Ouais. Le joueur étoile, je pense, du vert et or. Un touché gagnant de 70 verges, 189 dans la totalité du match. Beaucoup d'indiscipline pour Sherbrooke. Je pense que ça leur a coûté une couple de points, puis c'est difficile, surtout au football canadien. T'as juste 3 essais, donc tu recules. Fait que, c'est sûr. Ouais, c'est pas long, hein, un punt, puis... Exactement. Jesse Andrews, encore le gros carrière, Bishop. Beaucoup de revirements pour Bishop, ça leur a coûté le match. Ça a l'air de quoi, le jeu de course chez Bishop cette année? Ordinaire. Ben, c'est pas facile de sortir Jamal Lee, là. Fait que Jamal Lee, s'en va dans la NFL. Il est coupé par les Panthers. Malheureusement, il avait connu un match d'un touché, je pense. Ouais, je suis surpris, moi, tout, mais en tout cas, il va s'en aller avec les Lions de la Colombie-Britannique. Pour finir, le rouge et or. Oh. Arrêtez-les, quelqu'un, arrêtez-les. Glenn Constantin. Hein? Une victoire de 51-0 sur les Stingers. Classé 6e au pays. Non seulement classé 6e, mais il était environ à 30 secondes de gagner l'an passé. Ouais. À Coupe Mitchell. UTEC et Dunsmore. Coupe Dunsmore. Exactement, merci Nicolas. Domination totale du Rouge et Or. Groux encore. 4 passes de toucher, 70% de passes complétées. Je pense que c'est du jamais vu dans cette ligue-là. Ouais. Si je disais 70% de passes complétées, moi, un autre gars dans la ligue qui est capable d'aller chercher 70% de passes complétées. Pas au Québec, en tout cas. Moi, ça m'impressionne vraiment, là, surtout que c'est les meilleurs gars d'habitude traversent la frontière. Là, t'as quand même des excellents receveurs, mais là, 70%, c'est des bons chiffres. Puis, Lévesque, pour le Rouge et Or, une moyenne de 7 verges par course. Ça veut dire qu'après le premier jeu, il te reste 3 verges à aller chercher. Au football canadien, c'est une vraie blague. Où ce que ça te permet de faire, là, c'est de jouer une petite passe de 5 verges, puis tu sais que sur le deuxième essai, T'as l'évêque qui va pouvoir rentrer dans la ligne puis aller chercher tes 5 autres verges. Exactement. C'était ça pour le football canadien. Canadien. La prochaine partie, c'est aussi Laval qui se prend contre les Carabins. Ouais, c'est ça. On va te demander une petite prédiction, toi, d'après toi, qui va gagner ça cette année? L'an passé, Vaillard, ça a été leur gros match. Je pense que c'était un match d'émotion, ça, plus que de talent, parce que je pense que les deux équipes... Non, je parle pour la saison. Pour la saison. Ouais, qui va gagner la Coupe Dunsmore? Tu sais la réponse? Ouais, je sais. Laval. Je sais. Mais je pense que ça va plus se situer pour la deuxième place. Ça va se faire, d'après moi, entre Concordia et les Carabins. Puis le troisième tiers, ouais. Si on pourrait, Bishop, Redmond, on peut les oublier. Puis ça va se faire entre Bishop et Sherbrooke. Donc, ouais. Sherbrooke va peut-être surprendre, mais j'en doute fort. Exactement. J'en doute fort. Beaucoup d'interrogations encore au poste de corps arrière. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à une finale Carabin Laval. J'ai l'impression. À Montréal, ils l'ont dit, là, pas de compromis cette année. Là. C'est parfait là. Parce que c'est une belle rivalité. Ouais, ça, ouais. C'est Montréal-Québec. Écoute, si Montréal peut en mettre une dans la face de Laval en finale, aïe aïe. Ou vice-versa, si Montréal bat Laval dans la saison, je veux même pas savoir à quel point ils vont se faire planter à Coupe Dunsmore. Ah, ça va être le massacre. En plus, à Coupe Dunsmore, admettons que ça se passe de même, qui serait probablement à Montréal à la place d'être à Québec. Hey, parlant du Peps, là, du stade du Peps, t'as-tu vu l'agrandissement? Oui, merveilleux. Ça a de la gueule, hein? Merveilleux. Ça a de la gueule, c'est 2000 places. Là, il n'est pas terminé, t'avais comme juste les extrémités de fête, mais 2000 places de plus, ça va avoir de la gueule s'il vient. En plus, du monde qui sont tout le temps debout. Il y avait 15 000 places. Il y avait 15 000 personnes dans un match, il y a 12 000 sièges. Il va y avoir 12 000 sièges. C'est merveilleux. La demande est là, de toute façon, ils savent qu'ils vont le remplir. Oui, ben, moi, je dis qu'il devrait continuer à grandir, finir. Tenez le coin, là, dans le fond. Je pense que là. Tanguy a une petite idée derrière la tête pour un projet à long terme. Toi, tu veux partir de la CFL? Non. Non, OK. Pas CFL, toi, tu parles mais... de continuer à établir exactement, la domination du rouge et or. Exactement. La demande est là, ouais. On ne pourra pas continuer. Non, ouais, c'est un beau gage de réussite. Ça va être tout pour le football canadien. Maintenant, américain, je vais toucher un peu. Je sais que ça intéresse pas mal de monde. 5 matchs que j'ai retenus en fin de semaine. Vas-y. Alabama ont gagné 34-24 contre les Hokies de Virginia Tech. C'était pas mal le match de la semaine. Exactement. Deux équipes très haut classées au pays. 6-8, c'est ça? 6-9? Tu l'as-tu? Ah, 7-8. Je veux pas te... 6-8. 6-8. Ah, c'est 6-8. Ça, j'avais dit. Puis ça se jouait au Georgia Dome, hein? Ça jouait pas... Ouais, ce qui arrive, c'est que souvent, dans les premiers matchs de même... Ou les derniers, on hein? joue sur un terrain neutre. OK. OK. Plus grosse foule. Chaque année. Exactement, puis... c'est ça. Mais pas plus grosse foule. Pas nécessairement. Non. Ça dépend pour quelles universités. Probablement plus de frais. Plus cher du billet. Plus de revenus télé. Ouais, plus de revenus télé. Puis c'est parce que quand tu fais un match à domicile, bon, t'as tes billets étudiants qui te donnent, tu sais, qui sont à, mettons, 25 piastres. Par exemple, Oklahoma contre BYU, ils ont joué au nouveau Texas Stadium. Oh! Le merveilleux stade avec l'écran, là. BYU contre Oklahoma? Ouais, ça s'est fait au Texas Stadium, le nouveau des Cowboys. Mais pourquoi Oklahoma, c'est même pas. Fouille-moi. Puis BYU, c'est en Utah. Je sais. Puis tout le monde sait qu'en Utah, ils n'ont pas le droit d'avoir du plaisir et de la musique. D'où le nom du jazz. Ouais, le jazz de Utah. C'est dans le basketball, ça. Hey, on vient de commencer notre sujet de cinéma là, pour tantôt. Là. Autre gros match à l'affiche, Boise State contre Oregon. 19-8 pour les Boise State. Gros match, hey, beaucoup de controverses. Non, mais les Broncos, là. Oregon était classé quand même haut cette année. Je pense que c'est top 15. Mais ils ont accepté d'aller jouer un match à Boise State. 13e. 13e, puis Boise State était classé 16e, si je me trompe pas. Il était plus classé, plus bas, 10e. 10e? Ouais. Boise State, ils sont mieux classés? Oui. OK, excuse-moi, je me suis trompé. Donc, mais un match à Boise State, parce que ça, c'est match-là. Pour ceux qui ne savent pas, Boise State, c'est l'équipe avec le terrain bleu. Ouais, le turf, là, le gazon, là, il est bleu. La surface, merci. La surface artificielle est bleue. C'est un petit stade, 30 000 places. Bon, ici, au Québec, on rêve de ça, des stades de 30 000 places, mais là-bas, c'est un très petit stade. Ils sont en train de l'agrandir, puis tout ça, parce que le programme est vraiment en pleine expansion, là. Les Broncos, surtout depuis leur victoire contre Oklahoma Fiesta Bowl en 2007, le match du siècle, donc, c'est en train de grossir, tout ça, mais c'est probablement le stade le plus difficile à jouer par rapport au nombre de monde qu'il y a dans la place. OK, le monde de l'Idaho, là. Ils ont juste ça à faire. Là. C'est comme le monde à Regina, Saskatchewan, ouais. Avec les Rough Riders. Ouais. Tu sais, à Regina, je veux dire, tu roules les trottoirs à 11h, puis t'écoutes le National avec Peter Mansbridge, mais c'est pas mal ça, là. C'est ça ta soirée, là. Donc, le samedi, là-bas, c'est ça qu'on fait. C'est football. Parce que le dimanche, vous allez récolter patates. T'as l'Idaho. Le vendredi, c'est le secondaire. T'appelles-tu Ralph Wiggum? C'est moi, Idaho! Donc, grosse controverse sur ce match-là. Ben ouais. Il y a le porteur de ballon d'Oregon, okay. Garrett Blunt, ouais. Qui s'appelle. Il s'est fait un peu narguer par un joueur de Boise State. Ouais. A pas apprécié. À la fin du match, là. À la fin du les match. Gars, les gars ont plus de casque, là. Exactement. Les gars ont plus de casque, s'en vont sur les lignes de côté. Un coup de poing directement sur la gueule du joueur. Et ouais. C'est ça. Des grosses. Il s'est Jonathan Roisé. Dans le fond, une grosse sentence. Le gars est suspendu pour le reste de l'année. Il joue son année, sa dernière année senior. Ce qu'il appelle, c'est la dernière année. C'est fini le football après. Sa carrière ça, est finie. C'est fini. C'était classé comme un bon joueur. Ou... Ouais, classé comme un excellent joueur. Comme un excellent joueur. Dans les équipes d'étoiles de la ligue. Ouais. C'était. Ça, c'est Oregon là, qui ont décidé ça. Là. C'est pas la NCAA qui fait ta suspension. Là. C'est l'université en tant que telle. T'as fait ça, c'est fini. C'est comme si un joueur des Patriotes au hockey donner un gros coup de bâton. Un bon 6 pouces, là. Un bon, là. Puis dans le fond, l'université en tant que telle barrait. Tu verras jamais ça au hockey, là. Pas ses études, mais je veux dire, il barre son scholarship le hockey. Ben non, il joue pas au hockey, il reste sur sa scholarship quand même, là, j'imagine. Il barre pas sa scholarship, là. Parce qu'il y en a des gars qui ont juste ça, là, leur scholarship, là, on s'entend, là. Qui ont juste le football, là, c'est-à-dire. Mais, au hockey, tu verras pas ça, là. Si jamais il y a une bataille dans un match, là, ici, là, hey, ça va prendre un slash en pleine face pour que le gars soit suspendu pour le reste de la game, là, le reste de la saison, là. Puis ils ont des grilles, je pense. Non, plusieurs, okay. Ouais. Puis, t'as-tu idée du geste que ça prendrait au hockey? Football, un punch, c'est terminé. Terminé pour ta saison. C'est ton université qui est suspendue. T'en veux-tu de la discipline en v'là? Un autre match également intéressant à surveiller. Oklahoma State ont gagné 24 à 10 contre Georgia. Oui. Gros match utilisé nationalement. Ouais, sur ABC. Exactement. Mm-hmm. Georgia, je pense pas qu'ils vont se remettre de la perte de Stafford, ouais. Moreno. Non. Deux gros joueurs, deux first pick dans la NFL. Veux pas, ça va être dur pour eux de remonter. Mais ils étaient quand même classés haut, Georgia, là. C'est 13e, je pense, au pays. 14e. Là. 14e, ben. C'est sûr qu'ils ont été classés trop haut. Mais tu sais, on sait, là, les classements de pré-saison qu'ils appellent, là, ça vaut ce que ça vaut. Là. Ça vaut, ils évaluent selon la force des équipes, ouais, mais... pas selon leur rendement. Non, la force fait des déjà équipes. Déjà là, eux, ils perdent leur chance pour le titre national. Ou de presque. En partant. Ou presque. Exactement. Finalement, un autre match que j'ai retenu, Oklahoma, grosse défaite. On fondait beaucoup d'espoir sur leur équipe vu qu'ils étaient au championnat national l'an passé. BYU, de Brigham Young University, une petite université de Utah. Mais c'est pas une petite université. C'est l'alma mater de Ben Gaoun. Ben Gaoun aussi, ouais. Steve Young. Dans le fond, eux sont allés causer la grosse surprise de la fin de semaine. Non seulement Oklahoma perd le match, mais ils perdent leur joueur étoile, Sam Bradford. Un candidat que je mettais à Iceman. Ouais, candidat Iceman. A gagné l'an passé. Il a gagné l'Iceman l'an passé. Il était dans le top 10 du repêchage de la NFL. Son avenir est peut-être en jeu. Mais là, il a peut-être fait la mauvaise décision de revenir. J'ai pas de terme en français. Sprain est tiré ou viré là, un peu. Okay. Là. Dans la torse, là, à l'épaule. Je pense que c'est son épaule qui pitch. Pis c'est la première fois qu'une équipe qui est pas dans la conférence BCS, ça c'est comme les cinq plus grosses conférences au pays qui battent un top 3 au pays. Ah oh, ouais. Exactement. Oklahoma était classé 3e, je pense. C'est ça. Ouais. Aïe, aïe. Grosse soirée de première. Non, on voit ça, comme je disais, là, quand on dit les poules de pré-saison, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut là. Ça vaut. Ça vaut pas grand-chose. C'est là qu'on se rend compte, Nicolas, Sébastien, que de plus en plus, c'est pas parce que c'est pas dans les plus grosses écoles qui ont pas un bon club. De plus en plus, les petites écoles mettent plus d'argent dans le recrutement, puis ça donne ce que ça donne. On voit les résultats, là, de plus en plus, dans les gros balls à la fin de l'année, il y a des plus petites écoles, puis ça, je trouve ça... Puis je pense que c'est pour ça que c'est vraiment le temps. Bon. C'est le temps qu'il y ait des c'est bon séries. C'est vraiment le temps qu'il y ait des séries dans une série, dans la division... Mais il y en a des séries dans la division FCS, Football Championship, ouais. Mais dans la FBS, là, tout ce qui est les bowls, là, ça prend des séries, là, pour au moins ton top 8, là. Ça prend de quoi qui va vraiment décider un champion national et non pas, combien de fois on a eu des controverses à cause de ça, là. Je me rappelle, il y a 2 ans, 3 ans, là. Des fois des co-champions, deux champions en même temps. Moi, je me rappelle, il y a une couple d'années, là, Michigan avait une défaite cette année-là, c'était le dernier match de la saison contre Ohio State qui sont classés premiers, ils perdent par 3 points. Puis toutes les autres équipes ont toutes perdu, toutes les autres équipes avaient une défaite au minimum. Si toi t'as perdu contre le numéro 1, veux-tu me dire pourquoi tu serais pas classé numéro 2 au pays? Explique-moi là. Mais les journalistes ont décidé que non, parce que ce match-là a eu lieu, puis c'est that's it, that's all, puis pas de hey, moi je veux dire, j'aurais payé sur pay-per-view voir ça là. C'est sûr que ça aurait été un excellent match, mais je pense que les écoles sont pas prêtes à perdre des commanditaires. Tu veux dire l'argent des bowls? Exactement. Tu peux le faire pareil. Non, tu peux le faire pareil. T'as quand même tes bowls, OK? Tu gardes toutes tes... Il y a quoi? Il y a 60 bowls, là. Il y en a 50, 60, là. Tu gardes tes 50 bowls. Là, les équipes qui sont éligibles à des bowls, ils jouent quand même dans des bowls. À chaque semaine, c'est des bowls différents. Ben, comme, c'est exactement le même fonctionnement. Sauf que, t'as certains bowls qui vont faire, mettons, qui vont être dans le Bowl Championship Series, mettons. OK? Puis, t'aurais, mettons, la première semaine, c'est ta première ronde des séries. La deuxième semaine, c'est ta deuxième ronde. Puis, la troisième semaine, c'est ta finale. OK. Si mon compte est comme bon. Comme un peu dans les Canadiennes, la Coupe Dunsmore, UTEC, en prime. Exactement. Mais tu pénalises pas les autres équipes. OK? Les autres équipes qui sont pas dans le top 8 ont quand même accès à des bowls, mais pas plus petits. Plus petits, ouais. Ben, comme présentement, là, le Humanitarian Bowl. Ou tu le... prends le top 8 des équipes avec les 4 bowls principales, puis t'es fait rendre au bout. Ouais, ouais. 4 bowls principales. Orange, Fiesta, Rose. Sauf Sugar. Là, ce que le monde va chialer, c'est que, puis ça, je comprends à la limite, c'est que le Rose Bowl, puis tout ça, c'est tout le temps comme le premier. Le 1er janvier. Tu peux pas envoyer le Rose Bowl le 19 décembre. Bon, OK, le gars, en tout cas, c'est du PR. Bon, ça, OK, fine. Mais pour le reste, c'est pas normal qu'il n'y ait pas encore de quoi là-dessus. T'avais-tu d'autres choses pour le football, JP? Non, ça va être ça. Ça va être tout ce qui conclut. Ben écoute, c'est parfait. Je te remercie beaucoup. Je pense que tu vas nous garder à jour tout ce qui est là-dessus toute cette année au complet. Je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Allez, on va aller en musique. On va aller écouter Jambes de plomb de Bande de Garage. Après ça, c'est les nouvelles de Radio-Canada. Une pause et on vous revient vers 10h07 environ. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. D'entendre le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada sur les ondes de C'est fou. La bière Tremblay est fière de présenter la 14e édition du festival Envolée Macadam du 10 au 12 septembre avec The Sounds, Chromeo, Punk Rock Karaoke, Cynic, Julian Marley et plusieurs autres. Trois soirs de concerts extérieurs au parc de l'île aux Fleuries sous l'autoroute Dufresne-Montmorency au centre-ville de Québec. Achète dès maintenant ton passeport au prix de $30 sur le réseau Billetech. Info au envolemacadam.com. Une présentation de la bière Tremblay avec le soutien du gouvernement du Québec. Le festival Envolée Macadam du 10 au 12 septembre. Il fait chaud chez toi. Everybody's New Buzz, une émission éclectique à saveur jazz et électronique. En compagnie de Sébastien, tous les samedis en début de soirée de 19 à 21h. La dernière porte à gauche, c'est la place pour découvrir les artistes issus de la nouvelle scène locale francophone. Avec des nouvelles, des entrevues, des critiques, des primeurs, c'est l'occasion pour vous de faire de belles découvertes. La dernière porte à gauche, vendredi 20h. C'est fou, Doc. C'est fou 89.1, la scène émergente. l'écoute du parti. Écoute, je me suis dit, cette année, l'inconduite de partie est de 2 heures. Ça me prend des nouveaux sons. Il faut divertir l'auditoire. Le public, OK? Mais ça me prend des nouveaux sons. Puis là, je cherche, puis je me dis, qu'est-ce que je peux bien mettre comme dans ça? Tes vieux qu'est-ce Nintendo, qu'est-ce? Hein, j'ai fouillé dans mes souvenirs dans Nintendo. Blades of Steel, écoute, j'étais un maniaque de ce jeu-là. Écoute, deux gars qui se rentrent dedans, t'as une bataille, puis c'est le perdant qui va en punition. Ça devrait être de même, Rocky. T'as perdu. Je pense que c'est de même à la crosse, genre. À la crosse, ça doit tourner autour de ça, c'est les règlements, là. Non, génial, c'est pas de même à la crosse. Mais, ouais, fait qu'on va avoir, comme je dis, là, des petits sons de même, des petites surprises comme ça. On va en avoir de plus en plus avec la saison, là. On est encore ce matin, je dirais. En rodage un peu, quoi, que je trouve que ça va bien, les boys. Alright. Vous avez du plaisir? Yes. Je suis pas votre prof, là. Je vous juge pas. Je vous pose une question. Vous trouvez que ça va bien? Oh, vous aimez ça comme première expérience? Ouais. Ouais? Ouais. Hey, les gars, come on. Vous avez l'air d'une bande de biches blessées. Bon, ben, moi, je m'en vais. Sébastien, écoute, tu voulais parler de Combat Ultime cette semaine. Tu y vas avec des MMA? Ou non, quoi, Junior? Je vais commencer avec la MMA. Ah, vas-y, excuse-moi, j'ai... Avant, ok, un ou l'autre... La MMA. T'as quand même 20 minutes à faire, là. Yes. MMA, c'est quoi, ça? C'est chinois, ça? C'est arts martiaux multiples. Ok. En français. Arts martiaux mixtes, tu veux dire? Mix. Ouais, en tout cas, dans le fond, c'est plusieurs façons de taper sa gueule. Okay. Oui, si on pouvait traduire ça. Il y avait le gala XMF en fin de semaine qui se déroulait à la bâtisse industrielle du Colisée. Il y avait 20 combats amateurs au programme. Finalement, il y en a eu seulement 16. J'ai quand même apprécié ma soirée. T'étais là, là. Oh, tu dis pas ça parce que t'as lu ça sur le site web. Non, Monsieur Proulx était sur place. Là. Ouais, c'était super. Pour vous, mesdames. La deuxième partie de ton spectacle, Sébastien. Je vais commencer par vous énoncer. Hey, t'es gêné, mon gars, là. Sébastien est un gars quand même timide dans la vie. C'est sa première expérience en radio pour ceux qui écoutent, là, qui n'ont pas entendu ça au début. Donc, je sais pas, ça va bien, continue. Je vais commencer par vous énoncer les différences entre les combats amateurs et les combats professionnels. Au niveau amateur, ben, ils ont des protèges tibia obligatoires. Aussi, le type de gain est différent. Les coups qui peuvent être portés aussi sont pas les mêmes. Les coups de coude ne sont pas acceptés. Les rondes sont de 2 minutes. OK, c'est plus court comme ronde. C'est 5 minutes d'impro. Les 5, c'est pour les combats de championnat dans le pro, puis sinon, c'est 3 minutes. C'est pas 3, c'est 3 rondes de 5 minutes d'impro. Oui. Ouais, c'est ça. OK, on dit la même affaire, c'est bon. Ça se rapproche un peu du kickboxing plus que du professionnel. Ben, vu que c'est amateur aussi. Ouais, non, mais je parle du combat ultime amateur, ouais. C'est plus proche du kickboxing, sauf que. Avec des projections au sol, j'imagine. Es-tu du jeu au sol? Il y a des projections au sol. Ouais, c'est ça, OK. Bon. L'événement était divisé en 2 parties. La première partie, c'était vraiment des combattants, leur première expérience. La plupart des combats se sont terminés par décision, par des soumissions. J'ai quand même été surpris. Ils duraient jusqu'à la fin. On attendait à des combats rapides avec des KO. C'est tous les favoris locaux qui ont gagné. Pas trop de surprises. Puis dans la deuxième partie, on a pu remarquer des combats de meilleure qualité. Dont 3 combats principaux, dont un qui mettait à l'œuvre un étudiant de l'université, Jean-Philippe Giroux, ouais. Qui se battait pour une ceinture. Jean-Philippe qu'on a eu en onde en passant l'an dernier, un ami d'émission. Il se battait pour une ceinture contre Alex Arsenault, un combattant de Jonquière, contre lequel il avait perdu son deuxième match de combat. OK, il l'avait déjà affronté? Il l'avait déjà affronté, puis il avait perdu par une clé de bras. OK. Et ce combat-là, c'est encore soldé par une défaite pour Jean-Philippe Giroux, qui a maintenant une fiche de 5 victoires, 3 défaites. Et c'est encore une fois par clé de bras. Ah non, pas pour de vrai. Et Alex, Jean-Philippe m'a dit que... Ben, j'ai entendu dire qu'il a entendu son bras craquer, puis il a dit « Ah, je peux pas continuer ». Il était sûr qu'il était brisé. Mais il a aussi ajouté qu'il n'abandonnait pas sa carrière, qu'il veut continuer. OK. On va se croiser les doigts pour lui, là, quand même. Là. C'est plus pour l'amour du sport quand t'es rendu à 5-8-3, 3 défaites. Bon, là, un moment donné, ça peut dépendre aussi, là, comment ta progression avance. On espère qu'il n'y a pas plafonné ou rien, là, mais c'est ça, il y a 3 défaites de fil, là, dans le fond. Là, fait que... c'est pas bon signe. Il est capable. Aussi, il y avait Tommy Belmore qui se battait. C'était un autre favori local qui se battait contre Steve McNamara, un gars de Longueuil. Et il a réussi à le battre au premier round par une projection du corps. C'est quoi une projection du corps? Pound. C'est quoi une projection du corps? Ben, il l'a pris puis il l'a lancé à terre. Il a comme tu gagnes quand tu le pitches à terre, quoi? Non, mais le gars, il est tombé sur le coup, Il a perdu conscience. Il a resté tendu pendant un petit bout. Là, le monde a commencé à sauter autour de lui. Il y a eu comme de la frustration. Le coach de Steve McNamara, il a comme sauté sur Tommy Belmore pour lui dire d'arrêter parce qu'il était inconscient. L'arbitre n'a pas été vite, dans le fond. Là. Non. C'est ça, là, OK. Puis aussi, le combat principal de la soirée, c'était Sébastien Cyr, un ancien joueur du Caron et Gay. Ouais, ça me dit quoi, ça? Qui se battait contre Éric Desfossé, un joueur du Tribal de Trois-Rivières, qui était favori. C'est quoi, ce Tribal de Trois-Rivières? C'est une ligue de hockey senior. OK, je vais faire mes recherches, vas-y. Un gars que... C'est lui qui m'accompagnait, c'était David Nollet, qui jouait senior aussi avant, quelqu'un de communication sociale. Ouais. Puis il m'a lui-même dit qu'il l'avait déjà battu, fait que je me suis dit, je pense pas qu'il y ait grand chance contre Sébastien Cyr, qui est un véritable colosse. Et comme de fait, ça s'est terminé au premier round par une soumission, une victoire pour Sébastien Cyr. L'événement en tant que tel, j'ai trouvé ça bien, sauf que l'organisation, il y avait beaucoup d'attentes pour rentrer. Ça commence à 7h30, finalement, on a réussi à rentrer à 8h15. Puis l'animateur aussi, j'ai quelques critiques à dire, mais je vais me retenir. ça faisait pitié. Comme tu dis, c'était la première fois, je pense, qu'il faisait ça aussi à cet endroit-là. C'était à la bâtisse Saint-Duguay qui appelle. Puis ça, c'était la première fois. Il y avait quand même du monde, mais je m'attendais un petit peu à plus. OK, t'as estimé ça quoi, 200-300? Non, finalement, j'irais peut-être avec 500. J'ai peut-être dramatisé. Ouais. Ben 500, c'est bon, là, c'est quand même bien, là. Ben ça paraissait pas tant. Ça paraissait pas tant que ça. Puis au niveau des estrades, t'as plein ou c'était. Moyennement, oui. OK, les tables en avant aussi. Le prix, c'était respectable, 25$ pour 20 combats, qui est tombé à 16, mais c'est quand même 16 combats. Là, c'est... Ouais, c'est ça. On peut faire un tour aussi pour les combats. Qu'est-ce qui peut se passer au Québec? Il y a Ringside, c'est une autre compagnie de combat ultime. OK. Ça se déroule, ça remplace Strikebox qui avait été amené par Patrick. Ouais. Ça avait duré juste un gala, qui avait eu de la controverse avec Steve Bossé contre Thompson. Puis le règlement n'était pas expliqué. C'est ça. Ben, techniquement, c'est parce que tu n'avais pas le droit d'aller à terre. Tu avais le droit, sauf que le monde le savait. C'est ça. Pas. Ben, c'est parce qu'au niveau de la loi, de comment c'est régi. Il n'y a pas de loi qui régit ça. La loi dit que tu dois d'aller à terre. Fait que s'il l'envoie à terre, il a droit de rester à terre, puis l'arbitre n'a pas le droit d'arrêter le combat comme aurait voulu Stéphane Patry, dans le fond. Mais il y avait eu une entente, pareil, entre Bossé et Thompson, qu'ils voulaient tous les deux rester debout, puis Thompson ne l'aurait pas respecté. Ouais, c'est ça. Tous les autres combattants, ce soir-là, ils l'avaient respecté. Sauf ça. Mm-hmm. Ça s'appelle maintenant Ringside. Ça va se dérouler le 19 septembre au centre Claude Robillard. Steve Bossé va affronter Craig de Farmer Brown, un gars que je connais pas pantoute. Donc, ça sonne bien, Craig de Farmer Brown. Bossé, et ça n'en ira pas très loin avec ça. Non, hein. Aussi, Steve Vigneault qui va faire un retour dans le ring. Eh hey boy, fait longtemps, Steve Vigneault. Cœur de lion. Cœur de lion, hein. Fait longtemps, là, Steve Vigneault, là, que ça s'est pas battu, là. Je sais plus depuis combien de temps, T'es KO, à peu près. Ça fait super longtemps. Je peux faire quelques nouvelles. Pour le prochain combat de Georges St-Pierre, il était supposé d'affronter le gagnant au UFC 103 entre Mike Swick et Martin Kampman. Mais finalement, Mike Swick s'est blessé. C'est Paul Daly, un ancien de la MFC, Maximum Fighting Championship, qui va le remplacer. Donc, Georges St-Pierre devrait affronter encore un gars qui va battre facilement. Ah, okay, un jambon. Hein. Et Ultimate Fighter commence sa saison le 16 septembre à Spike TV. Kimbo Slice participe car c'est un Ultimate Fighter poids lourd cette année. Okay. J'adore Kimbo Slice. OK, c'est beau, t'as droit. Il y a aussi des anciens joueurs de la NFL qui vont se battre. Marcus Jones, un ancien premier choix des Bucks de Tampa Bay. Il a joué 6 ans dans la NFL. Il y a John Mattson qui avait déjà battu Brock Lesnar au collégial. Il y a Matt Mitrione qui a déjà joué pour les Giants de New York et les Vikings du Minnesota. Il y a aussi Brandon Schaub des Bills de Buffalo, puis Wes Sivers des Titans de Tennessee, puis des Falcons d'Atlanta. Mark Megna va-tu être là? Va-tu être là, lui? Bon, je m'en ai de ce gars-là. Ouais, moi, j'aimerais plus Neil Ford, tu sais, il avait l'habitude de se battre dans les pratiques, là. Okay. C'est pas mal tout pour cette semaine. C'est bon. Hey, on va aller en musique avec la chanson Obsessive de La Question. On vous revient dans pas très long. 2 minutes, vous écoutez les conduites de partie sur les ondes de C'est fou. Il manque quelque chose dans mon tableau. Des personnes comme toi, il n'y en a jamais trop. Tu fais des livres que je voudrais écrire. Obsessif, la question. La question, tu sais. Pas la question. Lac, pluie, la pluie, question. Eau, bateau. La question. Un savant jeu de mots. Pas une petite chanson, ça s'écoute bien. Moi, je trouve le samedi matin en faisant le ménage devant ton auto. Moi, j'écoute des kiwis des hommes le samedi matin. faisant mon jardin. Il serait charmé par Francis Radé. Ben, écoute, Francis Radé, c'est mon homme. je l'avoue, là. J'ai un faible pour ce gars-là. Je m'attendais à tout sauf ça. Seb, tu parlais, tu viens de parler de UFC, on reste avec toi encore. On va parler de hockey junior cette semaine, tu remplaces Pierre-Luc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoute, la saison commence avec le hockey junior, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. L'équipe a annoncé l'alignement final le 2 septembre. C'est toujours Éric Veilleux, l'entraîneur, qui a amené sa dernière année de contrat avec la formation. Ouais, il y a du trouble avec ça, justement. Hein? C'est quoi, là? Il se donne jusqu'à vendredi pour négocier avec l'équipe, soit le début de la saison. Sinon, il va attendre à la fin de la saison pour... son avenir avec l'équipe n'est pas vraiment assuré. Ben oui, mais pourquoi? OK, on n'a pas d'infos, là. On sait pas. La seule info qu'il y a, c'est qu'il a dit qu'il voulait pas être dérangé par les médias pour ce sujet-là, dans le fond, puis il a dit qu'il va attendre après la saison. Bon, c'est juste une manière de fermer les médias, là, fermer la bouche aux médias, là. Ça peut pas être d'autre chose que ça, là. Je veux dire, l'aréna est brand new, là. Parce qu'il y a un grand écart dans les négociations avec Martin Mondou. Et, OK, il y a une question d'argent. Ah! Je sais pas comment ça gagne un coach, junior majeur. J'estimerais 50 000. Assez pour vivre de ça. Assez pour vivre de ça. Ah, ouais. Ben, ça dépend c'est quoi ça te prend pour vivre de ça. Là. 50 000, moi, je suis capable de vivre avec ça. Ben, là. Non, mais que t'es pas obligé de prendre un autre emploi. Ouais, t'as pas besoin c'est de charger. C'est vraiment un emploi à temps plein. Ça prend beaucoup de temps aussi. Pas besoin de charger de la Molson l'été. Là. Non, c'est ça. C'est ça. J'ai aussi assisté aux dernières parties locales de l'équipe de pré-saison. Ils avaient perdu 4-1 contre les Maniacs de Lewiston. Ils jouaient aussi le lendemain, le dimanche à Lewiston. Puis il avait également perdu, que je mettrais en cause, ce serait l'indiscipline. Surtout quand j'ai été, c'était l'indiscipline du capitaine. Il avait pogné 3 punitions mineures dans la partie. C'est qui capitaine cette année? Leblanc Bourque. Adam? OK. Ou si tu en attendais qu'il y en a qui reviennent. Ou là, les gars, les vandales, tout ça, c'est-tu tout là présentement? Ça dans pas long. OK, vas-y. Je vais vous expliquer d'abord les nouveaux joueurs de la formation. Il y a Kevin Pushnik, un jeune Autrichien, qui avait été un choix de première ronde en 2009, qui s'en vient avec l'équipe aussi. Un autre choix de première ronde, Yannick Veilleux, un des gauches de 16 ans qui s'en vient avec la formation. Il y a Jonathan Racine. Il joue avec son père. Il y a du favoritisme. Puis tout. Jonathan Racine également, non, un choix de première il ronde. Il l'a pris pour son talent. Ben oui. Non, hey, je tiens à mentionner que c'est pas son gars. Là. Quelqu'un qui se le demande. Tu sais, des chicanes de Bantam. Là. Tu sais, parce que là, le gars, il joue dans le 2C. Là, puis, là, il est donc meilleur. Le puis, père est là. Il y a un commanditaire, quoi de même. Là. Ça tourne en rond de même. Là. Le gars, il est pas de classe, il joue pas de chiffre cette année, puis l'équipe perd, tout le monde haït. Mais non, mais fallait qu'il joue dans le 2C parce que sinon les voisins allaient le juger. Puis, c'est de même, là, ben des places. Là. Ça en fait une réussite personnelle. C'est vraiment comme un but personnel que le fils soit vraiment comme genre. C'est comme un trophée. C'est comme un trophée. Ton fils, c'est un trophée. Il va quand même finir genre à la chape, là. Probablement. Donc, Seb, on continue avec Cole House, un spécialiste en désavantage numérique. C'est lui qui avait marqué le seul but quand j'y avais été en désavantage. Il y a Christophe Tremblay aussi comme nouveau, Raphaël Pouliot, Étienne Saint-Germain et Philippe Pépin. Il y a un autre qui s'appelle Ryan Lagacé. On a été chercher cet été du raccord de Bécomo. Il avait lâché prise sur lui. Il a réussi à se tailler un poste à l'entraînement. Il a impressionné les entraîneurs. Il pourrait y avoir également un 12e joueur, sauf qu'ils ont été le chercher, pas réclamé au ballottage, mais ils l'ont signé. Ouais, c'est le ballottage de la Ligue canadienne, je pense. Il s'appelle Michael Claflis, c'est un défenseur assez costaud, sauf qu'il y a eu des problèmes avec sa cheville. Puis là, il est encore en rémission, dans le fond, fait qu'ils savent pas s'il va être capable de performer cette année ou non. Puis c'est un défenseur offensif, on va voir ce que ça donne. Il jouait au camp pour les Blues de Chilliwack. Oh, Chilliwack. C'est loin un peu de la Ligue de l'Ouest pour venir jouer à Shawi. Ah, ben gars, t'en as plein. Hier, j'ai regardé le roster des Bombers de Flin Flon. Là. Tu devrais voir le nombre de Québécois qu'il y a là-dessus, là, 4-5. Là. À Flin Flon, au Manitoba, là. Quand je parlais de rouler les trottoirs, là, Flin Flon. C'est Junior 2, bon. C'est du Junior A. Mais tu sais, du Tier 2, là, qui appelle, là, qui est l'équivalent, voire même qui est plus fort que du Junior 3 ici, là. Okay. Fait que. Parce que là-bas, ils ont droit à 5-20 ans dans ton équipe au lieu de 3. pour ça que les équipes du Québec se rendent jamais loin à Coupe Royale, là, à Royal Bank. C'est vraiment pour ça. Ils ont droit à 5-20 ans, puis les autres, ils ont pas droit à... Tandis qu'au Québec, on a droit à 3. Ça paraît, là, 2-20 ans de plus, là. C'est pas comme deux kids de 16 ans, là. C'est vrai. En tout cas, c'est mon éditorial. Pour qu'il y ait autant de nouveaux joueurs, il y a aussi des départs. Simon Lacroix, pendant l'été, a été échangé à Val-d'Or, mais il est au camp des Maple Leafs de Toronto. Il y a aussi Ashton Bernard qui a été échangé au Cap-Breton. Nicolas Pettersson est rendu avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Il y a Mathieu Bolduc qui a terminé sa session junior, dans le fond. Je sais que les Patriots ont essayé de l'avoir. Bang, il me faut Bolduc. Parce qu'il n'y a pas encore vraiment de contrat, je crois. Je pense qu'il est signé ailleurs. Il est signé ailleurs. J'essaie de me souvenir, mais c'est genre McGill. Cold, ou... McGill ou non, McGill, ah, Concordia. Ah, je veux pas me fourvoyer. Il y a Cédric Lalonde-McNichol qui avait dominé la ligue totalement, qui a signé un contrat avec l'Avalanche du Colorado, mais qui devrait jouer dans la game américaine, ainsi que Mathieu Pistilli. Il y a Alex Grant qui est au camp des Penguins de Pittsburgh, qui a un contrat en poche, donc ce serait surprenant de le revoir dans le junior. Il devrait aller jouer à Wilkes-Barre. Ceux qui risquent d'être de retour, il y a Charles-Olivier Roussel et Pierre-Alexandre Vandal qui sont au camp des Prédateurs de Nashville, mais les deux devraient être de retour sans surprise. Philippe Paradis avec les Hurricanes à Caroline et Maxime Legault qui a un contrat avec les Sabres, mais qui hésite toujours entre la Ligue américaine, East Coast ou revenir aussi dans le junior. Comme 20 ans. Il y a Maxime Massenauer qui est en AM ainsi que Timo Pilmaier. Ouais, wow, ben là, Paul Meyer, je pense qu'il va. Ben non, mais je pense qu'ils vont essayer de développer Gabriel Girard. J'ai pas mal très bien gardé les buts. Ouais. Hey, je viens de faire ma recherche sur Bolduc. On va jouer avec les Aigles Bleus de l'Université Moncton. Donc, c'est ça. On l'oublie. Il y a aussi Dave Labrec au camp des Flyers. Toi, Nico, qui tu penses qu'il va gagner cette année? Moncton, ah ouais. On a une bonne équipe. Mais là, je sais pas si Guy Opel a rien. Pas Kirill Kabanov, comme qu'il y avait les rumeurs récemment, là. Il n'y a rien d'officiel. Ah, mais c'est quoi l'histoire de Kabanov un peu? C'est... Il y a un contrat déjà. De la Ligue nationale? Aussi. Ouais. Il va se faire repêcher en première. C'est un choix, futur choix de première ronde au prochain repêchage. Peut-être derrière Taylor Hall, mais il n'y a rien de. Ouais. C'est le meilleur espoir européen. Mais pourquoi il viendrait ici s'il y avait déjà un contrat? J'essaie de comprendre. J'ai essayé de laisser. Il va déjà l'amener en Amérique du Nord pour le développer tout de suite. Mais lui, c'est parce que lui, il y a un contrat là-bas. C'est le Wildcat qui l'a pris au dernier repêchage. Dans le fond, ça serait, il est assuré de venir avec les Wildcats s'il s'en vient en Amérique du Nord. Oui, non, je comprends que les Wildcats l'ont pogné au draft, au repêchage d'importé, là, mais pourquoi là, lui, il voudrait venir ici, mais son équipe en Russie ne peut pas c'est dans quel chat. Il contrat en Russie, il ne peut pas vraiment casser son contrat. Puis là, c'est officiel, ça, là. Ça a pas. Je disais là-dessus, là, ça a l'air d'un. Sur Elite Prospect. Ouais, ça a l'air d'un roman savon, là. C'est digne de. C'est digne des feux de l'amour, là. Il y a Brett qui va arriver en arrière puis il va y avouer que Ovechkin va y avouer que c'est son frère. Je le dis, puis sa mère, c'est Nadia Petrovski. Non, Nadia Comaneci. Sinon, Moncton, pourquoi? Gros club. Ben, Moncton, Québec, je pense que ça va être Québec, des gros clubs cette année. Ils ont beaucoup de terrain, ils ont Bourque qui arrive cette année aussi. Ben, ouais, Bourque, t'as Danick Paquette, t'as Delmas qui était ici qui est de retour. Je pense que Patrois l'an passé l'avait dit. Patrois n'a pas fait grand chose, puis ça me semble l'an passé à la limite des échanges, parce que justement, il visait plus cette année. Il disait tant qu'à flouber l'équipe cette année, on va être calme cette année, puis on verra l'an prochain. Ben, l'an passé, c'est juste Rimouski qui s'est donné à la limite d'échange pour la Coupe Memorial, parce que. Ben, il n'y avait pas le choix, là. Ça allait assez tout croche, la saison était vraiment pas bonne, puis après ça. Tu sais, il y avait gros des blessures. Ils ont été chercher Bourdon, ça a paru, là, Bourdon. Choix de. Du côté de Saint-Hyacinthe, Bourdon. Choix de. Troisième ronde. Quatrième ronde, puis Flyers, troisième ronde, il y a un contrat en poche. Ouais, signé le contrat, mais il y a eu quand même une. Grosse progression, Bourdon. Ouais, c'est ça, mais tu sais, une grosse progression au niveau de son développement. Donc, c'est ça. On va y aller aussi en disant que le Cataract dispute leur premier match en fin de semaine, vendredi, contre le Junior de Montréal à Shawinigan. Le match est à 19h30. Et ils jouent également samedi, le 12 à 16h, contre les Foreurs de Val-d'Or. C'est encore à Shawinigan. Finalement, il y a eu les billets pour la super série Subway. C'est la série entre les étoiles de la Ligue junior majeure du Québec et les étoiles russes qui se déroule à tous les ans. Et les deux villes qui l'accueillent cette année, Drummondville et Shawinigan. Ça, c'est l'ancien challenge à DT. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, c'est des sous-marins au lieu de... C'est quoi, DT? Des systèmes d'alarme. Et ils sont en vente depuis hier. Dans le fond, les billets sont 16$, qui est limite de 4 billets par personne. Vous pouvez les procurer à Shawinigan, à la billetterie. Directement à la billetterie. Ah, c'est bon, mais c'est une belle acquisition, là. Quoique, la DT, je l'ai passé, c'était en Abitibi. Je pense qu'il y avait une game à Val d'Or. Il s'arrange pour garder les deux games le plus proche possible. Là, ici, Drummond, Shawinigan, c'est pas mal proche. C'était Val d'Or, Rouen. Val d'Or, Rouen. OK. C'était ça. Hey, puis deux beaux arénas. Deux sheds, là. Deux granges. Deux granges en Abitibi, là. Il y en a un qui est moins pire, là. Il me semble Rouen-Noranda, l'aréna Dave Keehan, là. C'est une belle grange, là. Mais en tout cas, il parlait de le rénover. Je sais pas si c'était fait. Il va falloir que je vérifie, là. Mais c'était pas mal ça. On va revenir avec plus de développement sur les parties des cataractes la semaine prochaine. Parfait! Ça risque d'être Pierre-Luc. Ouais, ça va être Pierre-Luc qui va être là la semaine prochaine, le collaborateur de l'an passé, que vous connaissez. Donc, on s'en va une pause au retour. Comme disons, un petit sujet léger, on va parler cinéma, cinéma de sport, les films préférés, les souvenirs qu'on a, tout ça. Donc, c'est, t'en as pas manqué. Je vous rappelle, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou 89.1. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données, la plupart de nos périodiques, renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez une de nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Le vendredi midi, plongé dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de midi 10 à 17h. Vous voulez annoncer sur les ondes de C'est Fou et vous ne savez pas comment? Appelez-moi, François-Olivier Marchand, au 376-5184, poste 3. Ou écrivez-moi à dpcfou@uqtr.ca. Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Nounou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Says we gotta work to make the facts, cause the false charges pull the wool over the eyes of the filthy masses. Send the people in the back for the corporate choice. From a puppet and a out using the people's voice. We don't want to talk about it. Press scribbles, scribble every hat, truth spoke. They're shooting from the country like an April Fool's joke. Recognition for the desert son of a bear. When the sun strikes, they just don't care. They're talking up all day, they're talking up all night. They're talking till the face turns blue. We're white, blue. Anti-Flag Press Corps sur C'est Fou 89.1. Vous écoutez l'Inconduite de Partie, comme je disais tantôt, notre site web www.inconduitedepartie.com. Si vous voulez nous joindre live à commercial@inconduitedepartie.com. Les gars, on parle cinéma, on parle film. Allons-y, JP, là, ton film de sport préféré de tous les temps. Mon film préféré de tous les temps, là, ça couvre une pas mal grande partie, ça. Autant mes films de jeunesse. Ouais. Que ceux d'aujourd'hui. Ouais. Définitivement, Baseball. Ah ouais? Ça, c'est mon film, là. T'es dans mon top 3, moi, tout, là. C'est celui que j'ai le plus écouté, je pense, ouais. Là. Qui me fait le plus triper. À toutes les fois, je l'écoute, puis les jokes sont tout le temps drôles, même avec le temps, tu sais. Fait que, il vieillit bien, ce film-là. Il vieillit bien. Puis... C'est un sport qui n'existait même pas, là. Non. Moi, c'est ça qui me fait capoter, puis... Imaginatif. Ouais. C'est les gars de South Park, là. Ouais. C'est Trey Parker, Matt Stone, là. Ces gars-là, l'imagination que ces gars-là ont, là. Dans le fond, c'est un peu avec ce film-là que j'ai découvert, ces deux-là. Là. Ouais. Par la suite, on a tous écouté South Park un peu. Au moins 40-50 fois. Mm-hmm. Dans notre jeunesse, fais pas comme tu l'écoutais plus. Moi, c'est définitivement mon film préféré, puis... Pas mal, les réputants en arrivant. Moi, tout, j'allais chez nous. Les gags, là, la pause des gags, il y a tellement de références, de petites pauses, des caméos, des affaires que tu vois pas la première fois, tu vois pas la deuxième fois, mais la troisième fois, quand tu sais quoi, tu fais comme, ah, oh, ouais, là, quand il, là, c'est en anglais, là, moi, je l'ai en anglais, là, mais quand il dit insulte-là de manière subtile, puis là, il dit qu'il est gros, mais en prenant la voix de Cartman dans South Park, là, wow, là, faut que tu aies vu le South Park pour te rendre compte que c'est ça. Premièrement, faut que tu l'écoutes en anglais, parce qu'une traduction en français, c'est jamais exact. Là, je pense que pour la plupart des films, ça fait que le film est un peu moins bon, sauf Slapshot. T'es sérieux? Moi, mais je suis surpris de voir que c'est un des films autant il me fait rire puis il est bon en français qu'en anglais. Les gags pour les deux versions sont malades. Parce que JP, il l'a en cassette puis il l'a en DVD. Parce que sur le DVD, malheureusement, il n'y a pas la version française. Ah! Fait que seulement sur VHS. Et j'ai le poster. T'as le poster? Je suis fan numéro 1. Ouais. On parlait même de se partir une ligue de ça cet été. Mais tu sais, c'est juste une excuse pour boire de la bière, là, on s'entend. Là. C'est ça. On est tanné de la balle molle, ces affaires-là. Ouais. Faut trop que tu cours à la balle molle. Qu'est-ce qu'il dit au début du film? Ah, on est pas mal bon au basket, t'as qu'on n'a pas à courir, dribbler ou autre chose. Là. Nous autres, c'est plus le jeu du hood, là, du quartier. Ouais, du hood. On joue dans. Straight from dans Compton. Ghetto, directement de Compton. Toi, Seb, ton film de sport préféré? Je n'ai pas vraiment le préféré, mais celui que j'ai écouté le plus souvent, c'est Les Petits Géants. Ah ouais! Icebox! Icebox, Becky O'Shea. Becky O'Shea. Film La guerre entre les Cowboys et les Giants, c'est les deux frères. Ouais, les frères O'Shea. Kevin et Danny. Danny O'Shea. Kevin et Rick Moranis. Un qui a une Corvette, l'autre qui a un go-kart. C'est vraiment les deux opposés, là, puis j'ai adoré ça. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce film-là aussi? La passe du papier de toilette. Avec Hannon. Ah, ou l'annexion de Porto Rico. C'est n'importe quoi, ça. Le lineman qui se met à courir, puis tout ça. Moi, de mon côté, là, y en a gros. J'adore Miracle. Miracle on Ice, l'histoire de l'équipe américaine en 1980. J'adore ça parce que j'ai l'impression vraiment de voir... Il n'y a pas de show-off, là. Même l'histoire est sur Brooks, mais il n'est pas show-off. C'est pas comme les Mighty Ducks. Tu sais, où tu vois l'évolution. Non, Herb Brooks est un coach au début, puis il est un coach à la fin, puis il est stable sur sa manière de diriger. Mais vraiment, là, le film est très bien tourné, haut comme un réaliste. La fin, les commentaires, ils ont demandé à All Michaels, là, monsieur Monday Night, là, de faire toutes les descriptions de match comme en 1980, ce qu'il avait fait aux Olympiques. Sauf à la fin, là, les derniers 10 secondes, où est-ce que c'est vraiment le vrai son. Ouais, le vrai son, là. On l'entend, ce son-là, dans le générique d'entrée de mon émission, là. On l'entend vraiment, là, c'est ça, là. Ouais, Miracle, c'est dans mes favoris, vraiment. À part de ça. Moi, un film de jeunesse qui m'a particulièrement touché, on en a parlé un peu. Les Mighty Ducks. Ouais. Les Mighty Ducks, 1, 2, 3. Tu peux pas passer à côté non, de ces non. films-là. Le 3 est moyen. Là. T'sais, autant que tu l'écoutes aujourd'hui, tu trouves ça moins bon parce que c'est ridicule, c'est exagéré et tout. Mais, les scènes d'hockey. Mais on s'est tous déjà identifiés à Charlie Conway. J'ai Jordan Bombay. J'ai le chandail. C'est des légendes. S'il y en a qui me croient sur le campus, là, il y a des jours, je vais avoir un chandail avec le logo D5, District 5 des Mighty Ducks. Là, avec Conway 96. La canard. Tout à Goldberg, je pense. C'est Goldberg. Identifié à Goldberg. Moi, Ouais, le goaler, c'est Philadelphie, tu sais, joueur robuste, pis tout. À la défense, une fois. À la défense, dans le troisième, parce que. Un des rares joueurs de défense. Parce qu'il a fait un coach qui a compris que, Emilio Estevez, donc, Julie Lechaud était un meilleur goaler que Goldberg, était capable de faire la split, tu sais, c'est déjà, Puis d'arrêter la triple feinte. Ouais, ouais. Pas dans le deux, c'est elle qui sauve l'équipe à la fin. Parce que je trouve. Non, pas la triple feinte. Il fait tout le temps, il fait une triple feinte et un lancé du côté du gant. Pourquoi Gunnar Stahl a pas shooté du bord du blocker? Pourquoi t'arrêtes puis tu fais un slap shot après une feinte? Ryan Rolston, il fait, mais en mouvement. Il, je trouve ça cool, tout, que de ce film-là, il est sorti une équipe de hockey. Eh oui, hey, Mike Ducks, c'est vraiment ça. Là. C'est carrément sur ouais, le coup de marketing. Puis... Hey, coup de marketing de Disney, là, à cette heure, c'est les Ducks seulement. Ah ouais, les Mighty Ducks ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme film? Young Blood. Young Blood. Young Blood. Rob Lowe. Rob Lowe. Miss McGill. Veux-tu prendre le thé avec Miss McGill? Miss McGill, t'as été prendre le thé avec Miss McGill? Ah la maudine. Elle sort ses cartes de hockey. Ouais, lui, je l'ai hébergé. Lui, je l'ai hébergé. Lui, je l'ai hébergé. Puis après, t'apprends on que... sait ce qu'il a fait après. Ouais, donc, t'apprends qu'elle fait pas juste les héberger. Oh boy. Ah ouais, Young Blood avec Patrick Swayze, puis Kenny Reeves Patrick qui joue Swayze. Là-dedans. Hein? Kenny Reeves, Kenny le Reeves. Gardien de but. Hein? Le coach, tout, je pense. Il... Ah, le coach, c'est un acteur connu, mais. Je suis un pied. Vite de même, je le sais pas. Là. Je suis un pied. Avec la fille du coach, puis. Oh, ouais, c'est, ah ouais, c'est, ça rappelle des bons souvenirs. Le joueur qui fréquente la fille du coach. Veux-tu faire une plus grosse erreur que fréquenter la fille du coach? Ou bien Rocky, le goon de l'autre équipe, qui, il fait pas le club, mais il arrive dans les autres équipes, c'est le meilleur joueur de la ligue. On parle-tu de Brandon Morrow puis Guy Carbonneau, la relation? Ouais, c'est l'assistant coach, c'est moins fait. À ce temps-là, c'était l'assistant. Ouais, ah non, c'est vrai. Ah non, Young Blood, t'as Slapshot. Slapshot, un incontournable. Attends, on a une petite surprise pour vous autres à la maison. On va essayer ça, là, Slapshot, là. Un moment de qualité de Slapshot. Ah, Slapshot, Slapshot, Slapshot. Ouais. Quand on parlait de traduction, là. Celle-là et tout, c'est tout croche, là. Mais j'adore ça. J'adore Slapshot. Hey, mais le 2 puis 3, je me suis toujours refusé de regarder Slapshot 2, Slapshot 3. J'ai vu le 2 parce qu'il venait en coffret. Les deux venaient ensemble. Oh, mais t'étais pas obligé de le regarder. Je l'ai pas regardé, je l'ai eu en coffret, non, je l'ai pas regardé. Pourquoi? Je sais, j'ai honte. J'ai honte de le dire aujourd'hui. J'espère t'as honte. J'espère. T'es une disgrâce pour l'être humain. La race humaine. Mais là, les gars, je pense que... Tu sais, c'est bien le fun, les films de hockey. Ouais. Mais je suis un grand amateur choses. Aussi de films de football. Puis mon coup de cœur... Oh, je te vois venir. Pas invincible. Les remplaçants. Non. Ouais. Les pros du collège. Les pros du collège. Marche chez les Blues. Ah, ouais. Oh, ouais. Le bikini en Sunday. Le bikini avec la crème fouettée avec Ali Larter. Ah, ouais. Hey, comment il a fait de résister, lui? Non. Quelle déception de Dawson. James Van Der Beek. Dawson. Ce gars-là était dans son à son pire, il était en haut, là. Il gagnait toutes les Teen Choice Awards dans ces années-là, là. Je veux pas, les filles avaient des photos de lui dans leur agenda, puis c'était la grosse nouvelle. Ouais. Hey, il y avait une coupe champignon, là. Ben, genre, une petite coupe qui redescendait dans Dawson, me semble, là. Pas que j'ai écouté Dawson, là, je veux dire, non. Hey, il y avait. Toi, t'étais-tu plus Joshua Jackson ou Ben James Van Der Beek, Nicolas? J'étais, Cathy Holmes. Ouais. Okay, bon choix. Mais les pros du collège avec Billy Bob. Twitter. C'est tous des personnages que tu t'attaches, je veux pas. Pis, moi, j'adore ça. Le coach qui est redneck. Ah ouais, fou, il raciste ses bars. Il avait fait une reprise du film dans. Pas encore un film d'ado, je pense. Ouais. Pis c'était Billy Bob. C'était le même gars qui jouait son rôle, là, carrément. Non, en bas de la sillon, c'était Paul Walker, tu vois là-dedans aussi. Avant de conduire des chars, il jouait au football. Il n'avait pas encore son permis à l'époque. Non. Puis, tu sais, t'écoutes ce film-là, là. Puis, souvent dans les films de sport, moi, ce qui m'énerve, c'est quand le jeu n'a pas rapport. Tu sais, il prend le ballon pour lui, tu parles à la balle, de mettre la balle à terre, qui prend un quart de seconde. Il a observé, il regarde le gars sur son cheval, puis il shoot lui où il shoot la mascotte, fouille-moi pourquoi. Il va perdre 3-4 secondes de plus. Bonjour. Puis là, l'arbitre qui en parle, non, parce qu'il est comme, genre, qu'est-ce que je viens de faire là? Puis là, il siffle, mais. Voyons! Pas de pénalité de s'être débarrassé de la balle. Non, ça, c'est des petits bouts, mais le bikini Ali Larter. Puis il y a Amy Smart aussi. Mais elle est brune là-dedans. Elle adore se montrer. Je pense que c'est le seul film que j'ai pas vu d'elle. Que... On voit rien. Pour ceux qui ont écouté Cranky 2, j'ai écouté en fin de semaine. Puis... Ah, il est sorti. Ah, ma bande de petits pervers. Bande de petits pervers. Hey, tu veux rester dans le football? Yes. Rudy. Mais ça, c'est pas dans la même catégorie de film. Ah non, c'est une... Parce que ça, c'était une histoire vécue. C'est un film plus... dramatique, sérieux. un drame. Exactement. Un peu, c'est sérieux. Son ami meurt, puis il veut jouer à Notre-Dame, absolument. C'est le petit gars de shop que, dans le fond, il a pas d'avenir. Ouais. Il a pas les notes pour entrer à la grosse université. Qui travaille fort. Il s'en va dans le junior college. Il ne vit que pour ça. Il travaille au centre. C'est ça, comme tu dis, c'est vraiment une histoire vraie. Le gars Rudy a vraiment existé. Là. Regardez sur Internet, là. Vous allez voir, Rudy a vraiment joué. Oh, si vous fouillez sur YouTube, Rudy, la fin de Rudy, pas tout à fait pareil, mais a vraiment un sac. Il a vraiment été chercher carrière sur le dernier jeu du match, mais la foule scandait Rudy, puis c'est vraiment un film, c'est un beau film inspirant, c'est la persévérance. Le gars qui, comme on dit, il a rien, là, puis tu sors de là avec un diplôme de Notre Dame, là. C'est un autre film sur les sous-estimés, tu sais, les underdogs. Ouais. Les... Ben, c'est souvent ça, les films de sport, là. C'est rarement un film où on était favori pour gagner, puis tu sais quoi, man, on a gagné, là. Tu sais, c'est pas ça, là, tu vois. Je pense que la meilleure résumé de ça, c'est vraiment l'épisode de South Park avec le hockey. Ouais. Tu sais, où c'est vraiment comme une parodie des Mighty Ducks, puis tout ce qui est film de sport, hockey, tout ça. Mais à la fin, ils perdent. À la fin, mais là, ils se font pas perdre, ils se font écraser. Ils se font écraser par les Red Wings de Détroit, c'est des petits pee-wee, genre, des petits novices. Mais ils se font battre par les Red Wings. Mais là, tu vois, genre, des Red Wings, c'est comme la même histoire, genre, que là, t'avais un gars qui était en chicane avec son père, puis là, je t'aime, papa, puis là, c'est toute la même histoire, là. Avec Queen, bien sûr, qui joue en background. Il jouait pour le petit gars malade, finalement, ouais, il meurt. À cause que it's a tie game, so... Tout trop dramatisé. c'est une partie de... OK, alors, comment va l'état du petit? Ça n'a pas bougé. Ah ouais, ça, football, là, football Rudy. Vendredi soir. Ouais, Friday Night Lights, il jouait, je l'ai vu. Il jouait dimanche soir. Okay. Dimanche soir, NBC, il jouait. Un autre film, je trouve, quand même réaliste. Dans la même veine, un petit peu que Miracle, où est-ce que le coach reste un coach. Tu sais, il n'y a pas de grosse histoire alentour. Tu as un père qui est alcoolique puis qui se bat avec son fils. Mais pour le reste, c'est une histoire relativement réaliste du football. D'école secondaire au Texas. C'est débile, là, au Texas. Là. C'est une religion. Il y a autant de monde dans ces games-là qu'aux Alouettes. Il y en a qui disent que ici le Québec, c'est le hockey. Là-bas, le Texas, c'est le football. C'est le foot, puis... Québec, au niveau sport, c'est pas grand-chose. Mais c'est ça qu'on se rend compte. Mais tu sais, c'est le fun, le monde qui s'implique quand même. Mais peut-être c'est... la ville de Québec, là, à la limite. Là. S'il y a 15 000 personnes qui vont voir les remparts, c'est similaire. Ouais, ça, je le donne. Fine, c'est vrai. C'est vrai. Si on veut. Ah non. Ouais, junior, l'NCA, le high school, le junior, c'est un peu comme les high school, en tout cas, ça se ressemble relativement, s'il y a 15 000 personnes, 10 000 au minimum à tous les matchs de remparts, c'est relativement similaire. Mais la ville de Québec est une ville qui ne vit que pour le sport, là. T'es loin. Les Anglais, ça implique pas mal aussi. T'es loin de l'époque, du maire Lallier, puis de la mairesse Boucher, que c'était de la culture, puis seulement de la culture, qui plantait tout ce qui était sport, là. Ça va avoir pris l'implication, justement, comme tu dis, des Tanguay, surtout, puis de d'autres, pour faire changer le vent. Pis... Ben, peut-être, justement, un jour, on va récolter les fruits aussi de ça avec le retour de hockey. Je pense que c'est commencé. Ou une expansion dans la Ligue canadienne de football, ou faut pas. Ah, à Québec, tu veux dire? Ouais, je ne sais pas s'ils en veulent. Pour la LCF, là, je ne sais pas. Pas sûr qu'ils en veulent. Ils n'ont jamais pensé, c'est quoi? Oui, ça s'est discuté, puis tout ça, puis construire un stade, mais y a-tu une demande tant que ça pour la LCF? Quand est-ce que tu entends parler de la LCF à Québec? Jamais. Ça parle du rouge et or. C'est rouge et or plaqué partout, là. C'est normal un peu. Je pense que, tu sais, ils ont jamais vraiment aimé Montréal. C'est normal aussi, là. Tu sais, dans le temps, là, des Rafales ou des Citadelles, là, ça marchait pas, là. Ben non. C'était du hockey quand même de la Ligue américaine, c'était du bon niveau. De la Ligue internationale, puis. C'est ça. Ouais. Les Ruffles. Ouais, les Ruffles. Les Chip Ruffles, que je les appelais. Bon, là, tu sais, écoute, on va y aller avec du local, hein. Les Boys. Les Boys. Toujours un classique. Classique. 1, 2, 3. Il y a après, 4. Ça se gâte un peu. Ça se gâte pas mal, mais la télésérie. La télésérie, c'est trop, là. Tu sais, à un moment donné, arrête de presser le son. Mais le premier, filmé à Saint-Hyacinthe, à l'aréna LP Gaucher, ça m'a rappelé. Il y a encore des scènes mémorables. La scène de police, là, j'étais sur la glace pendant ce moment-là. Mes parents m'ont dit ça par après. Ils filmaient un film, une police qui arrivait. Puis là, ils voyaient ça, eux autres, de loin. T'sais. Moi, j'étais sur la glace pendant ce temps-là. Ouais. Je me rappelle plus, en tout cas... J'ai pas eu grand chose, j'imagine, ce soir-là. Tu sais, il y a tellement, un peu comme Slapshot, il y a tellement de. Des répliques. Des répliques, exactement. Merci. Ah ouais, ah oui. Des répliques qui sont sorties de là. Mais oui, combien. Tu sais, t'as tout le temps un gars au bureau ou à l'école, moi je vais le nommer, il s'appelle Patrick Roy, puis il reste à Saint-Pie, là, qui a tout le temps, il va tout le temps relâcher une réplique dans six phrases. T'as six phrases, t'as une réplique des boys, là. Ou quoi de même, là. On a, moi je me souviens, écoute, ça fait une couple d'années, certains vont rire, puis d'autres vont trouver ça spécial. On allait jouer à la patinoire, pis on a fait, on disait, hey, comment quand on était jeune, on se donnait des noms de joueurs, mais on s'était donné des noms d'un boys. OK? Puis là, il y avait un de mes chums, justement, Pat, lui, c'était Tiggy. Puis là, moi, mettons, j'étais, je sais pas, là, la bine. Puis Puis un de mes chums, c'était Mario. Mais là, le lendemain, on continuait à s'appeler de même. Mario, Tiggy. Mais le nom Frédéric Ald, de son prénom, s'appelle maintenant Mario. Ma mère l'appelle Mario. Son père, quasiment, l'appelle Mario. Tout le monde l'appelle Mario, là. Mais là, t'arrives dans une place, tu dis, c'est quoi ton nom, là, lui, dit Frédéric? Nous, on dit, hey, Mario. Là, pourquoi vous l'appelez Mario? C'est quoi? Ah, c'est une longue histoire. C'est une bande trop longue histoire. Fait juste l'appeler Mario. Il s'appelle Mario dans mon cellulaire, c'est Mario. Tu sais, c'est resté. Puis je suis sûr que ça a l'air niaiseux, mais tous ces films-là de sport qui ont, les boys ont marqué le cinéma québécois, là, on s'entend, là. C'est vraiment, comme tu dis, des souvenirs, des choses qui restent. Là, puis, ça fait déjà 11 ans de ça. 97, puis sérieusement, on dirait pas parce que ça le a pas vieilli. Ça a passé de même, puis on en parle tellement souvent que on dirait que ça il joue encore voilà un mois. Oh, ouais. Tu comprends? Moi, je. Lâché dans mon livre à moi. C'est ça. T'en veux-tu des. Start là, mon Mario. Start là, mon Mario. Je dis tout ça, moi, quand je vois un de mes chums qui parle avec une fille, là. Start là, mon Mario, tu sais? Des tunes ici, qui ont fait des tunes Éric Lapointe. Ah ouais, Éric Lapointe, puis... Ah non, c'est France ça. D'amour. Bon, à part de ça, Finn, t'as dit, je vois que t'as une liste, là, mon Seb, t'as quoi là-dessus? Tout passé, j'ai la conquête du Dragon d'Or, mais je pense pas qu'on pourrait élaborer longtemps sur la conquête du Dragon d'Or avec Jean-Claude Van Damme. Ah, comment? Ah, t'as qu'à ça, c'était pour parler d'un film de hockey, parle de suspense en prolongation avec Jean-Claude Van Damme. Je vois les deux gars qui se ferment les yeux. Ça va aller. Moi, ce que je trouve dommage, par exemple, en 2000, dans les années 2000, là, il n'y a plus de films de baseball. Il s'en fait plus. Ah, les images. Ah, il y avait 61, le film. 61, qui était bon. Mais tu sais, je veux dire, ça a tout sorti dans les années 80. C'était quoi le film avec Robert Redford? Ben, en français, c'est le meilleur. Chandray. Moi, je pense que c'est Kevin Costner qui a tout... Kevin Costner a tout ruiné ça. Sérieusement, là. Avec ses 6 rôles différents. Tout le monde a... Pour l'amour du sport. Ouais. Tout le monde a vu le succès du film Un monde sans terre, OK? Tout le monde a vu le succès de ça, c'est un flop. Là, il a dit, on fera plus jamais de films comme Kevin Costner, il fait. C'est pour ça qu'il n'y a plus de films de baseball. Totalement pour ça. Mais tu sais, un samedi après-midi qui pleut, écoutez Major League. Ah, Major League. Avec Wild Thing, Cyrano. Vaughn, Cyrano, le catcher qui... Robert Dunn, le troisième but, le catcher. Comment c'est s'appelle? Willie Mays Jr. Il y a eu un film québécois de baseball, je pense. Mais tu sais, c'est pas l'ambiance de justement des ligues majeures, en tout cas. Là, parce que tu sais, il sort gros des films de foot, puis même de hockey, une fois de temps en temps. Mais baseball, pourtant, c'est le sport national des Américains, puis... Ça l'était. Avec le football, ça l'était. Mettons, on gérait le football. Ouais, ça l'était. Je pense que ça a changé aussi. OK. Ben, dans le fond, Itou, j'ai une question pour vous autres. Vas-y. tu es plus hockey, là. Ouais. Tu préfères-tu regarder les Mighty Ducks ou bien un film plus sérieux comme Youngblood? Ouf, la question. Je préfère, ben, je t'avais dit Miracle, c'est mon film, là. Miracle, ouais. Okay. Miracle, c'est mon film. Mighty Ducks, Un, deux ou trois. Parce que Mighty Ducks, les erreurs viennent me taper un moment donné. C'était cute, là, le 2, là. Hey, le lancer coup de poing, là. OK, on l'a tout fait. Après, tu parlais d'affaires qui restaient. Oui. On l'a tout essayé, le lancer coup de poing. Ça marche pas. Mais à part partout, oui, OK, c'est déjà arrivé qu'il y a un gars qui a scoré sur un lancer coup de poing, mais c'est n'importe quoi, là. Puis personne n'a le shot de Fulton Reed, là. Voyons. Les autres erreurs, c'était pas que tu disais qu'il y a combien de défenseurs. Ah oui, il y a deux. Nommez-moi un défenseur à part Fulton Reed, puis Ross Tyler qui arrive à la fin. Connie Morrow était hier. OK, premièrement, il y a une fille dans l'équipe. OK, Il y en a deux. Ouais, mais la patineuse artistique, là, comment. Mais. Yeah, arrête, là. Ils ont été chercher Kenny Wu. Tu veux-tu parler de Kenny Wu, là, tu sais? Ouais. Kenny Wu, là. Je vais faire un double accès, double piqué, là. Après ça, il se fait ramasser par l'Islande. Ils sont grands, ils sont gros, ils ont de la barbe, eux. À Vermin, ils ont un roux aussi. Tantôt, on parlait à tel point que les boys nous ont marqué, dans le fond, l'an 50. Ah, oui. Les séries, là. Waouh, je peux vous en parler. On l'a tout écouté au moins 50 fois. Le speech de Jimmy. Le speech de Jimmy, là. Ça reste mon speech. Ça, c'est mon speech à moi. Le speech qui va me plus. Jean-Mercier qui rentre Jimmy dans la chambre. Jimmy, t'es capable. Après ça, ils vont scorer. Ça se finit de même. Il n'y a personne qui parle du reste de la série. Tu sais, l'attaque Tremblay était bon, là. L'attaque Réjean Tremblay, on attend qu'il était roux pis qu'il écrivait pas n'importe quoi. L'attaque Réjean Tremblay était bon, là. Il avait encore l'accès à l'avion des Canadiens, je pense. Ouais, c'est ça, il est banni à cette heure là, du Canadien. Ah, c'était bien le fun de parler de ça. Ça remémore certains souvenirs. Ouais. Hein? On aurait pu s'étendre encore, mais l'émission tire à sa fin. On va conclure le calendrier, ce qui se passe en fin de semaine dans la région. Bon, les Diablos sont à Sherbrooke, affrontent des Volontaires, gros match. Volontaires champions l'an dernier, donc si vous voulez vous déplacer, c'est supposé être à l'Université de Sherbrooke, mais je pensais qu'il y avait un stade à cette heure pour les Volontaires, donc je vérifierai ça, je suis pas sûr à 100%. Ouais, au Cégep, mais en tout cas, c'est marqué Université de Sherbrooke, je laisse ça demain. Baseball, les Aigles jouent demain soir, Charlebourg, Trois-Rivières, ici, au stade Fernand-Bénard. Pour le Verdure, Quaticook, ce soir, à Quaticook, et retour jeudi soir, ici même. Dans la CIS, Laval, Bishop, au Coulterfield, c'est sur Radio-Canada, donc manquez pas ça. Montréal, Concordia, ça va être assez cassé. Sherbrooke, McGill aussi, au Percival Molson, vendredi soir. Avais-tu d'autres matchs? Tu les as dit un peu dans le junior majeur. Soccer, oui, ok, on va parler de ça. Ben, je l'avais dit tantôt aussi. Soccer, UQAM, QTR, c'est dimanche. Avant ça, la veille, Bishop est ici. Si je me trompe pas. Bishop est ici. La partie est à vendredi le 11, 19h. Donc, vendredi, Bishop est ici. Et dimanche, c'est à 13h pour les filles et à 15h pour les hommes. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Manquez-nous pas la semaine prochaine. On se laisse en musique avec La descente du coude, avec la chanson Parle, parle. Pour JP Grenier, Sébastien Proulx, je suis Nicolas Duchamp. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, tout le monde.